planque protégée de la police. Ouais, non, mais du coup. Tout de suite, non, mais non, mais non. Peut-être qu'il y a un flic qui est dans la secte aussi. Hein. Il s'est peut-être tué tout seul. Darrington, peut-être. Bah oui. Putain, merde, je vais tout balancer aussi. Bon. Bah, j'ai lancé du coup le bot enregistreur. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par un bonjour, bonsoir. On représente les gens qui sont autour de la table. On représente en une phrase rapidement les personnages. Ouais. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit focus sur Percival pour savoir ce qui lui est arrivé donc, sur les 36 dernières heures. Mmh. Et ensuite, on reprend avec tout le monde, si ça vous va. Ça va bien pour moi. Ça va pour moi aussi. Allez. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur un nouvel épisode de la JDR Academy sur les masques de Nyarlathotep. Ce soir, je suis avec Ctrl-Alt-K. Hello. Alors, Ctrl, tu joues Percival Lindley Bloom. Peux-tu nous en dire un peu plus rapidement ? Oui, tout à fait. Percival Lindley Bloom, c'est un membre de la noblesse anglaise, le fils cadet de la famille des comtes d'Halifax, mais qui a décidé qu'il n'allait pas se mêler trop de politique et de noblesse et qui, actuellement, fait le tour du monde pour suivre ses deux passions, l'occultisme et être riche. Et du coup, passionné par ça, il a rejoint la Société de l'Inexpliqué et les charmants compagnons avec lesquels il était à New York. Tout à fait. Donc, dans ses compagnons, on avait Riley qui est là ce soir et qui joue Elsa Kastner. Salut. Oui, je joue Elsa. Elsa, c'est une journaliste photographe, fille à papa hein, d'un grand journaliste aussi, un patron de journal même à New York. J'ai rejoint la Société de l'exploration de l'inexpliqué grâce à mon ancien amant Benoît Mayenne qui m'a un peu expliqué tous ces trucs sur le surnaturel et depuis je suis à fond dedans. Parfait, parfait. Un certain Benoît Mayenne, donc notre dernier membre du trio de ce soir que connaissait via son personnage. Donc je suis aussi avec Doc de la table de rencontre. Et toi, donc, tu joues Charlie Bradbury. Bonsoir. Et effectivement, je joue Charlie Bradbury, un jeune étudiant amérindien d'une vingtaine d'années qui a récemment rejoint la Société d'exploration expliquée pour des raisons qu'on dévoilera peut-être un petit peu plus tard. Mais en tout cas, il était expédié à Londres pour faire 2-3 recherches et notamment pour accueillir chers compatriotes en provenance de New York. Alors, je remarque que tout le monde, même le jeu, tendance à buter sur la Société de l'exploration de l'inexpliqué. Hein, ça, c'est... la 14e partie. C'est 14e ou 15e partie. On n'arrive toujours pas à prononcer le nom de l'organisation. Donc, si vous voulez bien, maintenant, on parlera de la SEI et puis on invitera de donner son nom complet. Comme ça, ça sera tellement plus simple. Bien. Moi, je préfère donc, qu'on la mentionne complètement à chaque fois parce qu'elle change de nom. Et je trouve que c'est vrai, c'est une société indicible et cyclopéenne, bien sûr. Du coup, en parlant de tout ça, d'indicible et de cyclopéen, nous allons nous pencher un petit peu sur toi, justement, Percival, et ce que tu as fait ces 36 dernières heures. Puisque quand toi et Ralph, vous avez quitté Elsa, vous étiez tous les deux tranquillement dans un pub. Et des hommes à l'allure plutôt officielle sont venus vous chercher. Ils vous ont montré une carte des douanes anglaises et vous avez été donc amené dans un bureau pour interrogatoire, puisque a priori il y a eu quelques petites choses, des gens qui ont cherché à soit faire passer des armes, soit à en acheter sur place. Des gens qui sont arrivés avec un chien sans avoir déclaré un animal, ce genre de choses. Et au fur et à mesure de la discussion, vu que quand même tu as passé pas loin de 36 heures d'interrogatoire, de 36 heures en tant que hôte des douanes anglaises, on va dire ça comme ça, tu as l'impression en fait que ce n'est pas tout. C'est-à-dire que les douanes ne vous sont pas tombées dessus par hasard, tu as l'impression qu'on vous a dénoncé en fait, qu'on vous a carrément... balancé. Alors, qui, pourquoi, mais en tout cas, ton nom, celui de Ralph et peut-être le nom de tes autres compagnons ont été donnés à la douane en tant qu'individus potentiellement dangereux. Alors, moi je me dis, je veux bien croire que le règlement des douanes anglaises soit quelque chose de cyclopéen, tu vois, mais ouais, c'est ça. Comme mon personnage Percival a quand même fait des études de droit et de théologie, est-ce que les bases sur lesquelles on nous retient, je me dis, ont l'air... je sais que la police peut nous faire disparaître autant qu'elle veut, quoi, mais 36 heures sur des questions de douane, tu vois. Est-ce que j'ai l'impression que c'est, que c'est monté de toutes pièces pour nous occuper, ou c'est plus... Il y a vraiment un socle, tu vois, un peu à ce qui... Alors là, c'est ouais, t'as des bases de droit. Après, c'est pas vraiment du droit. Là, c'est plutôt Damn. ouais, non, c'est plutôt carrément. Fais-moi un petit jet d'idée, un petit jet d'intuition, d'intelligence. D'intuition, d'intelligence. C'est un non. Non, Non. non, non, non. Moi, je suis aussi con que les douaniers d'en face. Voilà. Bah écoute, pour toi, bon bah tu trouves ça long, tu trouves ça pas normal, mais alors est-ce que c'est juste parce que c'est tu trouves que toi tu trouves ça pas normal ou est-ce que c'est réellement pas normal, ça tu ne saurais pas le dire. Ça c'est. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 36 heures, il y a un petit peu avant 36 heures d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui viennent et qui semblent discuter avec les douaniers et qui te font signe à toi et à Ralph, malheureusement, lui reste pour des histoires de vaccins pour son chien Colt, mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, ils te font signe à toi qu'ils vont te libérer donc, et ils vont te raccompagner jusqu'à chez toi, mais dans chemin, dans la voiture, tu t'aperçois que ce n'est pas du tout le chemin vers le Savoy. Puisque toi, tu es anglais, tu connais quand même bien Londres, ce n'est pas du tout vers le chemin vers le Savoy, tu t'approches en fait de quartiers plutôt pas très bien famés en vrai. Et les gens qui sont venus me chercher, tu vois, genre ils ont des badges, des trucs comme ça, ou A priori, ils ont montré des badges, ouais. Ouais. Enfin, ils ont montré des badges aux gens des douanes, en tout cas. À toi, je suis pas sûr qu'on t'ait montré un badge. Bah, je leur fais remarquer que bon, s'ils veulent aller au Savoy, puisque c'est là qu'on a notre suite, c'est pas le chemin le plus court qu'ils sont en train de prendre, tu vois. Juste pour voir leur réaction. En fait, vos amis ont déménagé, ils ne sont plus au Savoy. Des incidents les ont obligés à bénéficier de la protection du garde. Alors, à la fois, j'ai pas envie de le croire, mais en même temps, il parle quand même de. Au moins d'Elsa, qui a une capacité à se mettre dans la panade à une vitesse assez impressionnante. Donc, je me dis, il est même tout à fait possible qu'elle soit juste fâchée avec le personnel du Savoy, tu Ça va être possible. vois. Qu'elle soit fait dégager, tu vois, en mode, voilà, il faut la protection du garde, alors je sais pas pourquoi, mais. Parce qu'elle s'est fâchée très très fort avec le jour du samedi. Elle a tenté, je sais pas, de tuer quelqu'un. Non, Non, bah écoute, bon, en même temps, je vais pas sauter de la voiture, tu vois. Ah, non, non, je vais attendre. Je vais attendre voir où on arrive. Ok. Donc tu arrives dans un près de Gray's Inn Road et de Clerkenwell, dans des petites ruelles un peu pas très éclairées ni rien. Et tu te retrouves en fait face à une petite maison en fait dont la porte est ouverte. Il y a sensiblement un cadavre devant la porte, et tu vois effectivement tes deux amis, enfin ton amie Elsa en tout cas, accompagnée d'un homme qui semble être typé un peu amérindien. Ah non, mais quand je dis qu'elle a la capacité de se mettre dans la panade, ça va vite. Hein. Effectivement. Et donc voilà comment tu retrouves tes compagnons. Et alors, tes compagnons, que font-ils du coup? Genre. On se dit bonjour par-dessus le cadavre, tu vois, enfin, je sais pas. Bah, il arrive pile où il y a le cadavre, quoi, en même temps, quoi. À peu de choses près, ouais. Alors, vous avez eu le temps de vérifier que le cadavre était bien un cadavre, ce qui l'a fait bien sûr tomber, et vous voyez donc Percival qui arrive donc à pied, puisque ce sont des petites ruelles, suivi de deux hommes qui, quand ils voient ça, sortent bien sûr des flingues. Ah oui, Percival, derrière vous. Je la connais pas, je la connais pas. C'est pas elle, c'est pas elle. Attendez, c'est la police, les gars qui sortent là? C'est des flics? Bah oui. Bah, a priori, c'était les gens qui étaient dans la voiture avec Percival. Oui, d'accord, ok. Après. Percival, vous tombez à pic. Oui. Déjà, je vous présente Charlie. Enchanté. Charlie Bradbury. Mais. Enchanté. SEI, c'est qui devait nous accueillir? Ah oui. Mais on s'est déjà croisé, Percival, il me semble, non? Oui, c'est possible, peut-être. Vous savez, la SEI, c'est un grand club. Dites-moi, Charlie, vous connaissez tout le monde, décidément. Bien sûr, vous entendez deux hommes qui vous hurlent « Main en l'air! Main en l'air !» Comment ça? Non, on vient d'arriver, nous. C'était la personne qui devait nous protéger, qui visiblement fait pas bien son travail. On n'a rien fait, nous. Je pense qu'ils seront plus calmes si vous mettez les mains en l'air, quand même. Mais... Oui, bon, je dis ça en levant les mains. Je lève les mains. Ouais. Ok. Un des deux hommes vous garde en joue, tandis que l'autre s'approche du cadavre et vérifie s'il est bien décédé, du coup, avant de faire signe à son comparse et de rentrer à l'intérieur de la planque. L'homme qui vous tient en joue vous demande de vous expliquer sur le champ. Écoutez, on vient de rentrer et on a trouvé le cadavre du lieutenant Clyde. Il était censé, comme le disait ma compagne, nous protéger. Et visiblement. Est-ce que vous vous tenez dans les bras? Dans les bras? Dans les bras? Et tu pointes toi, Charlie, t'as une espèce de. de grands paquets dans les bras, souviens-toi. C'est un tableau. Posez-le au sol, videz vos poches. Et je pas de mouvement brusque, sinon je tire. Pose au sol et je... Nos affaires, elles étaient à la planque, du coup. Tout à fait. On s'est peut-être fait piquer toutes nos affaires, en fait. Il faut vraiment qu'on aille à l'intérieur, monsieur l'agent. Mon collègue est déjà sur place, et il regarde. Oui, mais on va l'aider. On va l'aider. On est du même côté. Le collègue sort, et il fait « Tout a été fouillé ». Ça se trouve, ils disent la vérité. On était là pour être protégés. C'était notre plan qu'à nous. Clyde a pris un coup de couteau. Je vais les fouiller pour voir si je trouve une arme. Donc il s'avance de vous, vers vous. Mm-hmm. Oui, tu disais, excuse-moi. Il a pris un coup de couteau où, Clyde ? Oh, il a pris plusieurs coups de couteau. Le policier te dit juste qu'il a vu un coup de couteau. Toi, il faudrait que tu te rapproches et que tu examines le corps. Je ne suis pas sûr que, à l'heure actuelle, il te laisse vraiment approcher du corps. C'est juste pour savoir si ça ressemble de très loin à un meurtre à l'égyptienne. Tu vois, des égyptiens, comme ça pourrait les dédouaner. Mais si ce n'est pas le cas, je ne jouerai pas cette carte. C'est des victimes qui sont égyptiennes. Oui, oui. Donc... Il aurait pu se faire taper, tu vois, taper le crâne et poignarder dans le cœur. Ah oui. La majorité des victimes sont égyptiennes, mais pas toutes. D'accord. Pour en revenir au policier, donc pendant que l'un vous tient en joue, l'autre qui sort de la planque commence à vous fouiller, à vérifier si vous n'avez pas d'armes sur vous, pas d'armes cachées. On n'a pas d'armes. Non. Non ? Non, non. Vous êtes sûr ? Pas d'armes, pas de couteau, rien. Elsa, t'as pas de couteau ? Ah si, j'ai un couteau. Merde. Attendez, j'ai un kilo de paprika et j'ai un couteau, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire ? Merde, c'est un meurtre couteau. Je lui donne mon couteau. Hein. Je lui dis j'ai ça et je lui donne mon paprika aussi. D'accord. Le paprika, il s'en fout, il regarde le couteau. Bon, ton couteau, il l'a jamais servi. Eh ben non. Donc, il est propre, nickel. Vous voyez que le policier regarde vos mains aussi, ce genre de choses, donc... Oui, j'ai pas eu le temps de me faire la manucure ce matin, on est parti vite. Il va voir son collègue, il murmure entre eux un petit peu, bon, il continue à vous tenir en joue. L'un des policiers s'approche de vous, il fait « Bah écoutez, vous trois, rentrez dans la planque, restez là, moi je reste de garde devant la porte, et puis mon collègue va aller prévenir l'inspecteur Barrington, et on va voir ce qu'on va faire. » Okay, vous êtes sûr de vouloir rester devant à faire le... Oui, vous arrivez la même parce chose, que... Exactement. Moi je vais me mettre en planque devant la porte et puis c'est aussi bien pour au cas où quelqu'un vienne vous chercher que au cas où vous décideriez de vous faire la malle. Donc je peux récupérer mon couteau du coup ? On va le garder comme pièce à conviction. Mais non, il est d'accord. Et je peux récupérer mon tableau ? Oui, ça vous pouvez le récupérer. C'est un cadeau pour Percival en plus donc. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a été assassiné au tableau. Non. Le tableau était le meurtrier. L'artiste est un assassin, ça c'est sûr en tout cas. Le policier vous regarde, vous deux, Percival et Charlie, il fait « Messieurs, par contre, par respect pour mon collègue, est-ce que vous pourriez l'amener à l'intérieur et l'allonger sur un lit ?» Oui, bien sûr. Merci. Bah, écoutez, restez à l'intérieur, enfermez-vous, et puis je fais le guet devant la porte en attendant que mon collègue revienne avec des renforts. Je vais vérifier direct les affaires sur Jackson Elias, les indices et tout. Alors, tout ce qui est articles et autres, ça, c'est resté. Ouais. Par contre, tout ce qui est livres occultes, ça a disparu. Mais je vous demande, vous aviez quitté longtemps la planque ? Même pas, non, juste la journée. Non, quelques heures. Oui. La journée ? Bah oui. Pas si long que ça, enfin, c'est vrai que... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait déjà où venir. Oui. Donc ça se trouve, la police est dans le coup. Ouais, parce qu'on avait justement demandé à être planqué dans un endroit où on ne pourrait pas nous retrouver, comparé à l'hôtel. Est-ce que c'est possible de regarder un peu les blessures du cadavre ? Bien sûr, il est avec vous à l'intérieur. Parfait. Est-ce qu'il a été frappé dans le dos ? Est-ce qu'il a été assommé ? Est-ce que... Voilà. Cet endroit n'est pas sûr du tout. Il faut qu'on parte. Alors, peut-être même qu'il faut qu'on parte avant l'arrivée de Barrington. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sachant que c'est la seule personne Clyde. Barrington est dans le coup. Il est de mèche avec Tufik. Et il faut qu'on aille voir Gavigan. Et Gavigan, il va être de mèche aussi, c'est sûr. Alors, du coup. Vous avez passé une nuit là. Ouais. Ouais. Ouais, donc s'il avait voulu vous faire buter, je veux dire, ça aurait été fait avant. Donc. Ouais. Du coup, est-ce que quelqu'un a médecine, anthropologie ou un truc dans le genre ? En anthropologie, ça va un peu. Je suis à 50. Si vous voulez regarder les blessures du cadavre, il va falloir avoir une compétence qui vous permette... Parce que ce que vous voyez très clairement, c'est qu'effectivement, il a reçu plusieurs coups de pointe ou de couteau au niveau du cœur et certains de ses membres sont cassés. Si vous voulez aller plus loin... Je vais vous demander un jet de médecine, premier soin ou anthropologie. Je peux tenter un jet d'anthropologie. Moi, j'ai rien du tout. Ouais, moi, j'ai le premier soin à 30, mais c'est pas faux. Ouais, voilà, moi aussi. C'est une réussite majeure. Tout à fait. Donc déjà, tu coches ta petite compétence. Oui. Et réussite majeure. Donc, tu vois que, en gros, qui s'est passé, quand tu retournes un peu le cadavre, tu t'aperçois qu'il a d'autres marques de couteaux dans le dos. Potentiellement pas les mêmes couteaux. Pour toi, ça te fait plutôt penser à des lames, on va dire un peu losanges, etc. Donc plutôt à des couteaux de lancer. D'accord. Tu peux dire que effectivement, il a été poignardé au cœur ensuite, mais que les membres cassés, etc., ont dû être faits post-mortem. Post-mortem. Mmh. D'accord. Donc il n'a pas été torturé pour avoir des infos. Non. Mais pourquoi ils auront cassé les membres? Oh là. C'est pas, mais visiblement, on est à la recherche, enfin sur les traces d'une secte. Mmh. Donc il s'agit peut-être d'un avertissement ou d'un. Ouais. Je sais pas. Bon, en tout cas, je leur indique tout ce que je trouve, bien évidemment. Bah, est-ce que ça vaudrait pas le coup de comment dire d'en informer le policier dehors en mode bon bah voilà ça nous dédouane un peu, enfin ça vous dédouane un peu. Ouais. Ouais, ils sont pas obligés de surveiller et l'entrée et la sortie. Ouais, bah, enfin s'ils sont tous dans le coup. Mais après ils auraient tué un de leurs collègues quand même pas. Ouais, peut-être qu'ils sont capables de tout. C'est dur à dire. Mais après si on s'enfuit on est recherché quoi. Peut-être qu'on a. Pardon. Ah bon d'être recherché, je pense. Ouais, mais en fait, quel degré de confiance il vous inspire ce baril? Moi, il m'a inspiré confiance quand même. Hein. Oui, oui, il avait l'air relativement là, honnête. Si la planque est. Enfin, il n'y a que lui qui pouvait savoir. Ou... Lui et Clyde. Non. Ouais. À moins qu'on ait été suivis. Après tout, nous avons été suivis par l'inspecteur Clyde sans s'en rendre compte. Il est possible que. Ouais, peut-être qu'on a juste été suivis. Ouais. Ouais. Parce qu'ils n'auraient pas tué son collègue quand même. Est-ce que vous pouvez me faire un petit jet d'intelligence pour la mémoire? Le rouquin là qui nous suivait. C'est une réussite ordinaire. Le site majeur. Ouais, vous vous souvenez quand même que vous avez eu l'impression d'être suivi par un espèce de rouquin dont il était difficile de donner l'âge. Oui. Mmh. Non, c'est ça, on a été suivi. Donc peut-être Barrington, on l'attend, non? Oui, oui. Ça me paraît plus logique. Ok. Oh là là, c'est compliqué Londres, hein, Percival. Depuis qu'on est là, c'est n'importe quoi. Hein. J'avoue que je suis assez impressionné parce que j'avais eu un aperçu de vos talents à New York, mais là, ça va quand même beaucoup plus vite. Vous avez... Là, ça va extrêmement vite, là. Mm. Gros bazar. Pendant qu'on attend l'inspecteur, je me rapproche de Percival. Dites-moi, Percival, vous ne vous souvenez pas de moi? Je le baisse un petit peu la voix pendant des cours d'occultisme. Si, mais on s'est croisés, mais c'était à mon avis, enfin, je me souviens, c'était il y a longtemps, et c'était à, comment il s'appelle, Miskatonic. Oui, c'était à l'université de Miskatonic, effectivement. Je me souviens bien de vous, il n'y a pas de soucis. Ouais, parce que c'est dur de ne pas se souvenir de vous, pour le coup. Ah, pourquoi donc C'est intéressant, ça. Ouais. Bah non, mais simplement qu'un caractère comme le vôtre, on n'en croise pas tous les jours, et surtout dans une université guindée comme celle de Miskatonic, c'était une rencontre assez étrange pour moi. Mais bon, peu importe. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vous le contact de Londres, puisque je vous associe à l'université de Miskatonic, mais après, la SEI a ses propres mystères. C'était cool. Ça se passe très bien, je trouve, Charlie. Très, très, très vite intégré. C'est gentil à vous, ma chère Elsa. On a vécu beaucoup de choses en 48 heures. Ouf, là, oui. Oui, visiblement. C'est... Parce que et vous avez été pourchassé. On a été pourchassé, oui. À part de la brume, ouais, entre autres. Entre autres, en plus, ouais. Ouais, de la brume, ouais, très bizarre. Donc ça se trouve, il pratique la magie. Vous vous rappelez à New York les choses qu'on a vues? Je me souviens qu'il a essayé de nous manger, oui. Eh bah, ben vous avez même failli y rester, Percival. Voilà, bah on est sur c'est pas des zombies, mais c'est le même genre. Hein. Il y a de la magie. En fait, je préférerais les douanes quand même. Ça paraissait moins violent. Ok. Tiens, d'ailleurs le tableau là, c'est pour vous, Percival. Cadeau. Oh. Si vous voulez le jeter un œil. Bah oui, bien sûr. Allez-y. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, alors faites attention, ouais. Ça va bête, mais bon. Vas-y, Shoei, mets la gomme. Bah, tu me fais un petit jet de San. Ah, oui. Attends, j'ai un lien avec la description du tableau, tiens. Eh, écoute, c'est une réussite ordinaire. Eh ben, écoute, tu ne perds rien. Ah, tiens. Oh, mais bon. Mais non, mais ça, donc, c'est un tableau où l'on voit une montagne noire surmontée par une forme monstrueuse, une horreur de plusieurs dizaines à 200 mètres de haut, tripode à deux bras avec un torse semblant humanoïde et constitué de chair à vif, de chitine et de bandelettes lâches. Une colonne vertébrale sanglante émerge de la place de la tête de la créature. Il semble qu'il ait sur les paumes de ses mains griffues ce qui ressemble à des appareils génitaux femelles. Que cela indique le sexe de la créature ou que ce soit une provocation, personne ne peut le dire. De petites silhouettes humaines placées près d'un temple se lèvent les bras en signe de dévotion vers cette chose. Tous portent la coiffe et le masque du culte de la langue sanglante que vous avez vu à New York. Le décor autour de la montagne vous fait penser à l'Afrique. Non, mais quand je bois de l'absinthe, j'ai des rêves comme ça aussi. Hein. Ouais, bah... je savais que ça vous plairait. Ah oui, mais ça fait mon goût. Il y a quand même de la... C'est pas la montagne du vent noir, du vent sacré de la... la montagne du vent noir, tout à fait, ouais. Ouais, okay. Non, mais le Kenya nous appelle hein, si on sort vivant de cette ville. C'est vrai que c'est bizarre ça. Londres, je déteste, hein, décidément. Faites-vous autre chose en attendant que Barrington revienne? Bah non, puisqu'en plus on s'est fait tout voler. Ouais, il n'y a pas aucun et tout, fichier, hein. Pardon. Quel ennui. Okay. Du coup. Je fais une photo de Charlie et Percival. Ok. Je m'en souviendrai quand ils seront morts. Quand ils seront... Je penserai à eux. C'est bien, c'est que toi, tu vas survivre, visiblement. Moi, je vais peut-être finir à l'asile, je crois, moi. Je suis bien parti, en tout cas. Donc, la nuit commence à tomber et tout d'un coup, des coups sont frappés à la porte qui s'ouvre et vous voyez arriver l'inspecteur Barrington avec quelques policiers. Il vous regarde tous les trois et vous fait bon. Inspecteur, heureusement que vous êtes là. Expliquez-moi un petit peu ce qui se passe parce que là, ça commence à devenir... Il commence à y avoir beaucoup de choses dans votre sillage. Vous avez dit, hein, on avait besoin d'être protégé. Ben voilà, on avait besoin d'être protégé. Tu commences, Elsa, à ressentir une sorte de peur. La pièce autour de toi devient plus sombre, comme si des tentacules d'ombre commençaient à enserrer la pièce et à t'enserrer toi-même. Peux-tu me faire un jeu de pouvoir? Oula, échec. Oh, de 1. Oh merde, un point de chance. Ah ouais. D'accord, je sais pas, non, si c'est en opposition peut-être. C'est en opposition. Ah, donc, oui. Donc un échec, c'est toujours moins bien qu'une réussite. Non, mais si je me dépense un point de chance. Tu dépenses un point de chance, ça fait réussite contre une réussite. Il y a plus de chances de t'en sortir, effectivement. Ouais, je le fais. Sachant que... Attends. Là, de toute façon, en face, c'est une... C'est un nécromancien, l'inspecteur Barrington. Je suis déçu. Non. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il a la réussite en face. Hop, alors attends. C'est une réussite majeure. Donc, il faudrait que tu aies au moins une réussite majeure pour résister. Ah ouais, donc ça change rien si je paye mon point de chance. Parce que sinon, c'est trop cher. Il faudrait que tu payes beaucoup plus qu'un point de chance, quoi. Non, bah du coup, non. Prends un échec. Ok. Alors. Hop, que je retrouve la description du truc. Tu commences à ressentir une peur immense, une peur intense. Tu commences à vraiment te sentir mal à l'aise. La pièce autour de toi devient sombre. C'est comme si tu faisais une sorte de crise de claustrophobie, mais de manière extrêmement forte. Et donc, tout autour de toi devient sombre, devient noir. Et commences à ressentir, en fait, au niveau de ta poitrine et de ton cœur, une douleur de plus en plus intense. Je crie. Elsa, tout va bien ? Tu tombes à genoux. Tu vas me lancer déjà 3d6. J'ai plus que 34 points. Percival, allez me chercher un verre d'eau. Ouais, 13, ah putain. Il y a rien dans la pièce qu'on voit, tu vois, genre. Il y a pas un robinet. C'est surtout, est-ce que la pièce est devenue un peu plus sombre, un truc, ou est-ce que nous. Non, vous ne voyez rien du tout. Vous voyez juste Elsa qui a l'air de commencer à transpirer, à paniquer. Vous voyez qu'effectivement, elle commence à hurler, à se tenir la poitrine. Et du coup, en fait, donc 13, ce sont le nombre de points de dégâts que tu prends, Elsa. Ouf. À combien es-tu ? Bah, je suis mort. Non, t'es à combien, surtout ? Je suis à moins 4. Moins 4. Donc, vous voyez Elsa qui s'effondre, donc à une bave aux lèvres qui devient de plus en plus rouge. Que faites-vous ? Vous voyez clairement que sa vie est en danger, qu'il ne lui reste que quelques secondes à vivre. Un truc comme ça, tu vois. Elle a le cœur qui bat, ou quand ouais. même ou... Il faudrait examiner. Donc, on va examiner. Alors, qui fait quoi je vais prendre le pouls, effectivement, pour voir si le cœur bat toujours. Le cœur a l'air d'être complètement affolé. En fait, t'as jamais entendu un pouls battre aussi fort, et tu comprends que le problème vient sans doute de là. Percival, que fais-tu Alors, moi, si elle a pas l'air d'être en arrêt cardiaque. Je lui donnerais bien un calme. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, que genre de l'agneau, du laudanum, n'importe quoi, tu vois, qui pourrait te apporter? Ou je le demande, tu vois. Je le demande, pas réellement sous la main, non. Et ouais, elle a pas des médocs ou des trucs comme ça qu'elle prend d'habitude? Oh, pas, non, Elsa, t'as pas de trucs sur toi? Ouais, je suis morte. Non, j'ai du paprika. Après, vous pouvez vous demander, parce que j'ai un kilo de paprika sur moi, c'est vrai. Non, mais j'étais avec toi quand tu l'as acheté, donc ça m'étonne pas plus que ça. Ouais, donc elle a le cœur qui bat à 100 à l'heure. C'est ça. Percival, tu peux me faire un jet de Mythe de Cthulhu. Mythe de Cthulhu, ouais. Ouais, pendant qu'il fait... Est-ce qu'elle elle transpire? Est-ce qu'elle a l'air d'avoir de la fièvre ou... Elle transpire, son corps est extrêmement chaud et elle semble de plus en plus attaquée. Vous voyez les veines au niveau de son visage commence à ressortir un petit peu. Tu repères un point, tu passes à moins 5. Que faites-vous? Putain, ok, je vais chercher un gant ou quelque chose pour pouvoir essayer de faire baisser la température. Il y a une baignoire éventuellement dans le... Il y a une baignoire, effectivement. Okay, mais toi, t'as l'impression qu'en prenant son pouls, que la température est arrivée après le fait que son cœur se soit complètement emballé. Et vous voyez qu'elle a les yeux complètement exorbités. Vous voyez une expression de terreur immense sur son visage. Elle est complètement, son visage est complètement déformé. Vous ne reconnaissez absolument plus votre amie. Elle est complètement... une peur telle que vous n'en avez jamais vue, quoi. Et ouais, du coup, elle n'est pas du tout consciente. Les yeux sont ouverts, mais elle semble ne rien voir. Elle voit sans doute des choses, mais... elle ne voit pas, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas l'air consciente de notre présence, quoi. Clairement pas. Non, elle est ailleurs. Moi, je vais regarder rapidement à la fenêtre, tu vois, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de... que je verrai depuis l'extérieur, en train de faire quelque chose, tu vois, une idée de rituel et tout. Parce que le jeu de Mythe de Cthulhu, c'est pas réussi, mais je me dis, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui est à portée de vue, tu vois, ou à portée de quelque chose. En gros, un jet d'occultisme. Déjà, t'observes aux alentours, tu vois pas grand monde, en fait, à part les policiers qui ont l'air de commencer à paniquer aussi dehors, parce que Barrington semble avoir donné des ordres dehors. Mm-hmm. Mais voilà. Donc après. Non, après moi, sauf si ça me fait penser à quelque chose, tu vois, un sortilège, un truc, une malédiction. Parce que bon, je la connais, elle est quand même en bonne santé, tu vois, normalement. Ouais, bah tu peux me faire un petit jet d'occultisme. Parce que j'ai vraiment aucune idée de comment contrer ça, tu vois. Bah, tu sais que les malédictions et autres, c'est généralement soit quand le sorcier voit sa victime, soit quand il possède quelque chose de personnel ou des cheveux, des ongles et ce genre de choses, soit quand il peut utiliser des miroirs pour voir à travers, tu vois. Bah écoute, je vais fermer les volets et casser les miroirs s'il y en a. D'accord, ok. Pas de soucis. Donc Elsa, toi, tu vas de moins en moins bien. Tu vois des choses que tu aurais préféré ne jamais connaître. Des choses qui sont innommables, indicibles et cyclopéennes. Donc, dont leur description va commencer à devenir difficile. Tu es rempli d'une peur panique qui te coûte encore un point, tu perds à moins 6. Ok, je vais essayer moi de faire baisser la température, essayer un peu de la rassurer, de lui parler. Donc je vais prendre un gant et essayer d'éponger un peu la transpiration, je la prends dans les bras. Elsa, revenez avec nous. Tu vois, essayer de lui parler un peu pour essayer de qu'elle s'accroche à quelque chose d'autre. Clairement, elle va pas bien, mais elle est pas morte. Donc, potentiellement, elle entend peut-être ce qu'on raconte. Et peut-être même lui mettre une baffe à un moment donné pour essayer de lui faire reprendre conscience, tu vois, je sais pas. Pour la mettre en moi. Là, elle a l'air d'être complètement paniquée. Tu peux me refaire un jet de poux, Elsa? Un jet de poux, c'est-à-dire Elsa, un jet de pouvoir. Ah oui, pardon. Réussite extrême. Bien joué. Bien joué, voilà. Donc, tu commences à retrouver un petit peu la vision et autres, mais t'as mal partout, ton corps est en train de lâcher, tu te sens partir. J'entends la voix de Charlie, quand même. T'entends la voix de Charlie, ouais. Benoît, tu es là. Benoît, non. J'ai mal, serre-moi fort. Charlie, tu sens que le pouls diminue un petit peu, mais que les dégâts qu'elle a subis ont l'air d'être trop. Que fais-tu? J'ai l'impression que ce que je fais, ça a l'air d'aider, donc effectivement, je la prends dans les bras pour essayer de la réconforter. Je continue de lui passer le gant sur sa tête. T'as mal où? Partout. J'ai mal partout. On dirait un gosse. Est-ce que t'as des... Vous pouvez me faire un jet de premier soin? Premier soin, ouais, moi j'ai 30. Ouais, moi aussi. Bon, en fait... Dites à Ralph que je déteste les chiens. Non, ah ok. Je crache du sang. Donc, je peux même pas défoncer 40 points de chance, tu vois. Je les ai pas. Ouais, c'est clair, pareil. Il y a toujours moyen de pousser le dé, mais ça veut dire que en cas d'échec, ça sera pire. Ça sera pire pour nous ou ça sera pire pour elle? Qu'est-ce que c'est, pousser le dé déjà? Quand tu changes d'approche, en fait. Tu me dis que tu changes d'approche, que tu tentes une nouvelle approche, donc tu peux retenter un jet de dé, mais si tu te plantes, là, il y aura des conséquences, comme si tu avais fait un échec critique. Okay. Je vais faire un truc extrêmement intelligent qu'on aurait peut-être dû faire dès le départ, c'est-à-dire appeler à l'aide. Mais oui. A priori, ça, de toute façon, Barrington a vu le truc, donc il a déjà demandé à ses policiers d'aller chercher... quelqu'un. Oui, pour moi, c'est arrivé devant tout le monde, ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, est-ce que vous voulez tenter de pousser le jet ou est-ce que vous tentez ou est-ce que vous laissez Elsa telle qu'elle? Moi, si on la laisse telle qu'elle, elle va mourir. Donc, bon, on peut pousser le jet pour l'achever. On m'achever, quoi. C'est ça. Si on rate. Mais en fait, je cherche quelque chose d'intelligent à faire, tu vois, qui permettrait de justifier le jet. Non, mais déshabillez-moi, il y a un objet sur moi ou un truc comme ça. Je dis ça en train de mourir. Il y a un objet sur... Je sais pas, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit qu'il faudrait peut-être se déshabiller. Ouais, alors cette petite voix-là, je suis pas sûr que ce soit le moment. Non, mais il y a forcément un truc. Enfin, c'est pas d'un seul coup, putain. Il n'y a pas de raison. Il y a le tableau, il faut détruire le tableau. Après, enfin, pour le coup, à moins que que Percival, toi, tu l'aies indiqué. Je me demandais si vous aviez une autre approche pour le jet de premier soin, parce que clairement, là, en fait, le cœur est en train de s'arrêter. Si vous faites rien, elle va mourir. Non, vas-y, je vais tenter de forcer le jet, mais elle va mourir quand même, quoi. J'ai peut-être une idée, parce qu'il est très probable, alors tu me diras, que mon personnage ait au moins quelque chose d'un peu exotique sur lui. Je me dis, est-ce que c'est possible, à ton avis, que j'ai de la cocaïne? Tu reviens des douanes, pour rappel. Ouais, bon, tu sais, s'ils m'ont pas fouillé, ils m'ont pas fouillé. Ouais, et puis attends, parce qu'en 1925, la cocaïne, c'est considéré comme un remède médical. Hein. Parce que bon, il est quand même extrêmement probable que mon personnage soit consommateur de tout un tas de trucs assez exotiques. Donc, ouais, est-ce qu'il veut un truc exotique sur lui? Alors, effectivement, si c'est de l'opium, c'est mal barré, quoi, mais si c'est de la cocaïne, bon, peut-être. Non, mais pourquoi pas? Ça me paraît être une idée. Ouais, bah écoute. En cas d'échec, on saura pourquoi, quoi. Fais-moi un petit jet de chance quand même pour savoir si t'as quand même de la cocaïne sur toi, mais ça, l'idée est intéressante. Si tu fais ça, je t'autorise à faire un jet de premier soin avec un avantage même. Alors, bon, jet de chance, visiblement, c'est réussi. Joli. Donc, tu peux me faire un jet de premier soin avec un avantage, donc on regardera la ligne plus 1. Plus 1, putain. Eh ben écoute, une réussite ordinaire. Une réussite ordinaire. Voilà. Donc effectivement, donc à grand coup de cocaïne. Les enfants, l'addiction, ça sauve des vies. Voilà. Message. Voilà. pour tout. Voilà, comme c'est un très puissant stimulant du système nerveux central, du coup tu. Alors, c'est pas de l'adrénaline, ça fait pas repartir le cœur, mais en tout cas Elsa, tu as un sursis. Hôpital. Hôpital. Vite. Hôpital. Ouais, non, je les laisse sur le lit. J'ai un éclair de lucidité sur le tableau. C'est peut-être le tableau. Il faudrait le détruire. Détruisez le tableau. Détruisez cette croûte. Je prends de quoi. Mais oui, ok. Mais ça se trouve, Percival, dans quelques heures, c'est ton tour. Hein. Je veux bien, mais qu'est-ce que tu veux, Moi, je pense pas que ce soit le tableau, mais bon, pourquoi pas. Je sais pas, si c'est une croûte, on va pas le garder. On l'a payé suffisamment cher. Enfin, tu l'as payé suffisamment cher. Je prends de quoi le brûler, ouais. Et je vais cramer le tableau. Tu vas le cramer où, dehors ou pas? Enfin, bon, en tout cas, en attendant que vous fassiez ça, de toute façon, là, il y a vous entendez des bruits d'ambulance qui arrivent. Et en fait, non, vous voyez des bobbies qui arrivent avec une civière et ils vous emmènent à l'hôpital le plus proche, qui pour le coup Et pas très très loin, si je me trompe pas trop. Je crois qu'il y a un hôpital près de la planque. Je vais quand même fouiller ses poches, tu vois, de est-ce qu'elle aurait pas, genre, une pièce de monnaie bizarre, un gris-gris quelconque, tu vois, un truc inattendu sur elle. Voilà. Étonnamment, elle a rien. Étonnamment, elle a rien de... Rien de... T'avises pas de fumer mon paprika, par contre. Pas d'objet bizarre, rien sur elle, non. Ou bien, je vais prendre ton paprika parce que je le revends pour acheter de la cocaïne. À un moment donné, je t'ai donné ma dose personnelle, tu vois. Il n'y a rien, on ne sait pas d'où c'est sorti cette saloperie. Et en brûlant le tableau, du coup, ça ne va pas mieux. Il est en train de brûler le tableau dehors et non, ça ne va pas mieux. Donc là, Elsa a été embarquée par la police pour l'amener à l'hôpital. Nous saurons plus tard si elle survit. Bah on va quand même, tu vois... Bon, on va aller avec elle. Ouais, parce que moi j'ai quand même peur qu'on tente de la buter là-bas, tu vois. Bah, c'est ça, ouais. Okay, j'essaierai bien de regarder, tu vois, quand même. Parce que, tu vois, dans mon idée d'occultiste, c'est que, comme. Du résultat du jet, effectivement, soit il la voyait, mais comme on a fermé les trucs, non. Mm-hmm. Soit il n'y avait pas de miroir dans la pièce, donc c'est quelqu'un qui avait, tu vois, qui avait quelque chose. Quand je parlais de miroir, c'était, tu sais, les miroirs façon divination où tu fais apparaître les images sur le miroir, en fait. Ah, d'accord. C'était plutôt ça que... Oui, d'accord. Ok, bon, je vois qu'il y a un miroir sur place, tu vois, genre... Ouais. Tu regardes à travers le miroir. S'ils ont fouillé nos affaires, ils ont pu prendre des... Oui. Ils ont pu prendre des affaires pour tout le monde, surtout. Bah oui. Ouais, je sais pas si on avait pris tes affaires, personne. Eh oui, car il ne manque pas que les ouvrages du mythe que vous aviez, il manque aussi vos brosses à dents. Ah bah oui, finalement, ils ont chopé notre ADN. Il y a des experts vaudou. Des experts. Non, a priori, il manque aucun de vos effets personnels. Alors, est-ce qu'ils ont pris des cheveux sur vos oreillers, des rognures d'ongles, je ne sais pas. Enfin, vous ne savez pas, en tout cas. Mais a priori, vos affaires personnelles sont nettes. Hein. Il n'y a que vraiment que les ouvrages du mythe qui sont partis. Et donc, vous partez tous à l'hôpital, où Elsa donc, est opérée en urgence pour essayer de la faire survivre. Donc bien sûr, vous n'êtes pas autorisé dans le bloc opératoire. Vous êtes dehors à discuter dans le couloir. Barrington est avec vous. Que faites-vous ? Je vais discuter avec Barrington. Mm-hmm. Inspecteur, merci d'avoir appelé l'ambulance aussi rapidement. Bah, c'est normal. Je suis désolé pour votre collègue, oui. L'inspecteur Clyde. Et du coup, vous ne savez vraiment pas ce qui a pu se passer ? Comme on l'a expliqué à votre collègue, on est rentré et on l'a trouvé sur la porte, devant la porte, poignardé. Très manifestement, ça a l'air d'être quand même... Bonjour, pardon, inspecteur Barrington. Bonjour. Je me présente, du coup. Merci Valine Leboum, je suis un ami de ces personnes-là. Mais visiblement, votre collègue a eu, après sa mort, les membres cassés d'une manière qui semble assez similaire. Ouais, au meurtre égyptien. C'est ça que vous allez me dire. Tout à fait. Effectivement, mais bon, je vais attendre le rapport du légiste là-dessus, mais effectivement, c'est ce qui m'a semblé aussi. Et vous n'avez aucune idée de ce qui a pu vous mettre dans le collimateur de ce tueur ? Écoutez, suite à notre conversation de la dernière fois, nous sommes allés nous balader en ville, j'ose dire. Peut-être que quelques questions posées ont été... Mal interprété ? Mal interprété, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air d'avoir dû déranger des choses et des gens. Visiblement. Est-ce que vous avez, vous, appris quelque chose en particulier ? À part que vous avez l'air d'être des personnes qui sont capables de remuer la merde de manière assez efficace, pas vraiment, non. Après, je me dis, ça fait que 2 jours qu'on est arrivé, tu vois, donc vous n'avez pas parlé à des milliers de personnes. Non. Elsa. oui, c'est ça, si. Et après, il y a une question de temps, tu vois. Je dirais, c'est pas encore une capacité magique, tu vois, elle est limitée par sa capacité à parler aux gens et que le temps passe quand même. Donc, je vous dis, on doit pouvoir faire la liste des gens auxquels vous avez parlé, tu vois. Oui, pour le coup, effectivement, on n'a pas parlé à énormément de personnes, mais je ne le dis pas nécessairement trop devant l'inspecteur, ça. Mais tout porte à croire que c'est Toufik El-Sayed qui est derrière tout ça. C'est un des premiers qu'on est allé voir. Son attitude a été un peu étrange. Et puis, les indices concordent pour dire qu'il serait derrière tout ça. Est-ce que c'est lui la tête pensante ? Je n'en sais rien, mais peut-être qu'il nous a fait suivre, peut-être qu'il a, je ne sais pas... mis quelque chose dans ce paquet de safran ou de coriandre ou de je ne sais quoi. De paprika. Et ce serait vicieux. Ce serait vicieux. Ouais, ce serait vicieux. Mais oui, entre Gavigan et qu'on a pas encore eu l'occasion de voir hein, pour le mais, et ce Toufik El Sayed, est-ce qu'il faudrait lui rendre une autre visite, une fois que tous vos compagnons seront de retour. Tous vos compagnons seront de retour. De quel compagnon vous parlez? Non, je parlais à Percival. Bah, il parle de Ralph, mais. Ah oui. Ouais, on pourrait. Je me dis, vous avez été le voir. Moi et Ralph, il nous connaît pas, donc éventuellement, ça peut être une deuxième approche. Mais là, j'avoue que je sais pas trop. Ouais, il nous a semblé être suivi également par un homme. Peut-être qu'on peut essayer de le retrouver. Un homme roux à Londres, je pense que c'est. Une aiguille dans une botte de foin. Il va falloir être un peu plus précis que ça, effectivement, dit l'inspecteur Brighton. Ah oui, le sentiment d'être suivi, peut-être qu'on peut essayer de lui tendre un piège si on se remet à traîner dans les quartiers où on l'a aperçu. Il s'avère que le plus apte physiquement de la bande est celui qui est resté coincé par les doigts. En fait, j'ai peur qu'un piège se retourne aussi très facilement contre nous. Enfin, sauf si vous avez des talents insoupçonnés. Mis à part la lecture, non, pas vraiment. Je pense qu'on vous apprend pas à manier le fouet dans les études d'archéologie. On nous apprend le port du chapeau. Ouais, pas essentiel. Mais pas essentiel, effectivement, dans ce cas de figure. Avant de continuer là-dessus, donc mon petit Riley, donc Elsa pour le moment est off un petit peu, puisque elle a subi quand même quelque chose d'assez important et peut-être qu'elle va survivre, peut-être qu'elle ne va pas survivre. En tout cas, pour le moment, elle est en salle d'opération. Donc j'ai envie de te proposer des options pour continuer avec un personnage. Ah oui, tout le monde est très triste pour Elsa. Ouais, oui, ok, propose-moi des nouveaux persos. Je te propose, si tu le souhaites, d'incarner l'inspecteur en chef à la criminelle, Jess Barrington. Ouais. Tu peux aussi incarner le journaliste Mikey Mahoney. Ouais. Mais bon, comme tu sortais d'un journaliste. Mm-hmm. Et je peux aussi te proposer d'incarner la jeune et jolie danseuse du ventre Yalécha. Okay. Sachant qu'on peut imaginer aussi que tu incarnes un de tes anciens camarades qui ne joue plus avec nous. Donc je pense soit à Anatoly, soit à Gustave. Voilà. Mais ils joueront plus jamais avec nous, c'est sûr. En tout cas, sans doute pas sur Londres. Ok, non, alors je vais. Peut-être ça peut nous aider en plus dans l'absolu. Donc je vais prendre le Barrington alors. Mmh. Ok. Oui. Alors fais gaffe parce que quand on prend les personnages de flics en personnages secondaires, pour l'instant la loi, c'est 100% de mort. Oui, non, j'ai bien compris, c'était son principe. Il se passe la même chose qu'à New York, sauf que là c'est Elsa. Ouais. Okay. En même temps, on en discutera après. Ouais. Pourquoi on en discutera? Qu'est-ce que j'ai fait? Genre. Et j'ai rien fait. Ok, je suis Barrington alors. Vas-y, c'est parti. D'accord. Je suis un chef de Scotland Yard, quoi. Je suis quand même. Oui, t'es un inspecteur en chef à la criminelle à Scotland Yard, donc très respectueux de la loi. Et surtout, donc tu peux ordonner à des personnes d'agir, bien sûr, si tu as des preuves, des suspicions de preuves, ce genre de choses. Un mandat et ce genre de choses. Et bien sûr. Tu es quand même assez obsédé par cette histoire de meurtre. Ouais. Cette histoire de meurtre, puisque ça fait plus d'un an que tu travailles dessus, que ton prédécesseur a disparu. Je te demanderai de me lancer 3D6, s'il te plaît. Okay. Donc Barrington a une crise cardiaque devant nous. Oh non, mais qu'est-ce que vous faites? On est déjà à l'hôpital, donc tout va bien. Tu multiplies ça par 5, ça fait 65. Ah. Ok. Et là, tu le vois ou pas? Encore. Je ne vois pas Barrington. Elsa, elle est là. Voilà. Elsa. Ah, Barrington, il va être complètement amoureux de Elsa. Ça va être trop bien. Je te le dis. C'est possible. Il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux à ce moment-là. Bah, possible. Écoute, c'est peut-être pour ça qu'il a réagi aussi vite pour essayer de lui sauver la peau. Hein. Okay. Voilà. Et donc là, je suis en train de te mettre les compétences, mais donc je vous laisse reprendre entre vous, maintenant que vous êtes tous les trois dans la même scène, voir avec okay. Monsieur Barrington si... Alors la boutique de Toufik, c'est pas la même chose que la pyramide bleue? C'est pas le propriétaire non. de la pyramide bleue, Toufik Non, non, non. Bon bah je m'approche, on est à l'hôpital encore là? Ah oui, tout à fait. Je m'approche de Charlie et de Percival. Bon messieurs, j'espère que Elsa va bien. Et nous l'espérons également. C'est terrible, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Bah, on... Elle a été rattrapée par sa longue consommation de drogue. je ne savais pas qu'elle était addicte. Bon, c'est un ouais, je vois qu'en tout cas cette affaire vous retombe dessus. Ouais. Et je pense qu'il faut qu'on reparte sur des bases plus saines. Je vais vous aider. Ah, très bien. Ouais. Vous allez me dire tout ce que vous savez, Charlie. Bah, commencez pas à vous, en bien tout ce que vous savez. Et bah, je vous l'ai dit, je vous ai dit tout ce que je savais. 22 meurtres, mon prédécesseur a disparu. J'ai la pression des chefs. Il faut absolument que je résoudre cette affaire. Vous êtes venu me parler, je vous ai trouvé... surtout Elsa, un peu étrange, et du coup je vous ai fait suivre, et j'ai eu raison, puisque apparemment, là où vous passez, il y a toujours des cadavres derrière vous, et même la pauvre Elsa a failli y rester. Mais du coup, est-ce que par exemple, il y a d'autres personnes que vous avez fait suivre, tu vois, genre des membres de la communauté égyptienne, des choses comme ça, ou c'est... Toufik Al-Sayed, est-ce que j'aurais pu le faire suivre à l'époque? Toufik Al-Sayed, il y a un moment, effectivement, tu l'avais mis sous surveillance et ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, mais je le sens suspect depuis le début, hein, je vous cache pas. Oui, c'est un peu ce qu'on est également en train de penser. En fait, on est allé le voir, enfin, du coup, je leur explique tout, sans nécessairement parler des trucs un peu surnaturels qu'on a vécu. Mm-hmm. Mais, c'était ma prochaine question. Vas-y. Non, mais vas-y, du coup. Mais en fait, vous venez de... Vous enquêtez sur la mort de Jackson Eya, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Pourquoi vous êtes venu jusqu'à Londres pour ça? Vous pouvez laisser faire la police, non? Parce qu'on a aussi de bonnes raisons de penser que la mort de Jackson Elias peut être liée à une enquête sur laquelle il était, et on retrace, on va dire, par le côté, essayer de refaire un peu ses pas. D'accord. Et c'est vous qui financez toute cette opération? Il me semble, monsieur Bloom, que vous avez les moyens. J'ai en effet les moyens, aussi, mais bon, je ne finance pas tout, j'apporte mon obol, mais je peux prendre en charge un certain nombre de choses, oui. Bon. Bon, écoutez, messieurs, j'ai une proposition à vous faire. Je peux tout de suite vous décréter que vous êtes consultant pour la police, et comme ça vous donne accès à plein de choses. Très bien. Est-ce que vous pouvez également faire en sorte que notre dernier compagnon sorte des douanes, libérer des douanes? Rupert, monsieur Rupert, ouais, je vais voir ce que je peux faire, effectivement. Mais son histoire de chien, là, je vous raconte pas. Il était plein de puces, en plus. Bon. Je vais voir ça, mais oui, en tout cas, si vous êtes consultant de la police, on peut peut-être travailler dans de meilleures conditions, et ensemble, et pas chacun de notre côté, comme vous avez fait pour l'instant. Effectivement, coordonner nos efforts, ça me paraît être une bonne solution. Dites-moi, inspecteur, est-ce que au cours de ces enquêtes, vous avez, excusez la question, hein, qui peut paraître un peu étonnante, mais est-ce que vous avez assisté à des choses un peu étranges, Non, je crois pas. Hein. Non, tout vous paraît naturel. Okay. Non. Alors, si on enquête sur cette affaire... J'en ai vu des choses horribles et croyez-moi, c'est toujours la main de l'homme qui est derrière tout ça. C'est fort probable, mais restez quand même sur vos gardes. Hein. Il n'est pas impossible que dans le cadre de cette enquête, vous ayez... peut-être deux, trois choses un peu inexpliquées qui peuvent comme présenter. Il faut avoir l'esprit ouvert. À Miss Kastner. Par exemple, une femme dans la force de l'âge et en parfaite santé. Charmante, qui est plus née. Mais en parfaite santé. Exactement, mais en parfaite santé, c'est ça surtout le plus important dans cette histoire. Oui, évidemment. Et qui, d'un seul coup, se trouve à faire une crise comme elle vient de le faire. Voilà, ce genre de choses plus ou moins concrètes peuvent se reproduire. En tout cas, on l'a déjà. Qu'elle se repose, je vous propose qu'on reprenne l'enquête. Où en étiez-vous dans vos pistes? Eh bien, écoutez, un petit peu au point mort. Les pistes nous menaient, encore une fois, vers Toufik Al-Sayed. Et nous avions un entretien prévu avec Monsieur Nawisha, ça, le directeur du club La Pyramide Bleue, normalement à 17h hier. Un escroc notoire, si vous voulez mon avis. Mais écoutez, on n'a pas eu l'occasion de s'entretenir avec lui, puisque les choses ont été un peu bousculées, on va dire, avant... Avant ça, on a découvert que certains membres de ce club disparaissaient. Okay. Des membres et des clients Je crois que c'était des membres. Des clients, des clients. C'était des clients surtout. D'accord, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des employés. Et Riley, j'ai mis à jour la partie bio de l'inspecteur James Barrington pour te donner quelques petits pistes, si tu souhaites. Ça marche. Et j'ai mis à jour les compétences, d'ailleurs. Tu as quelques compétences, notamment tu as des compétences un peu spéciales. Ok. Dans du ventre, t'es sûr que j'ai besoin de cette compétence? Ah, écoute, on est jamais... c'est pour ton infiltration à la pyramide bleue, tu sais. Oui, c'est bien. T'as quand même bossé 7 ans en sous-marin à la pyramide bleue. Voilà, c'est pas innocent, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Mm-hmm. Bah, plus important, je me cherche un avatar. Pardon. Vas-y. Attends. Menons l'enquête. J'ai sa photo. Ah, t'as déjà une photo? Parfait. J'ai une photo. J'espère qu'il est bien. Tu l'avais montré déjà et que c'était... C'est pas ça. Hein. Ah, t'avais ouais, eu le choix, t'aurais pu jouer Barrington. Non, mais je l'avais déjà montré, Barrington. Ouais, tu l'avais montré la première session que j'avais fait. Ouais. Je me souviens. Ouais, moi, j'ai vu sa gueule. Ok, bon. Dans les CR. Peu importe. Ouais, les fameux CR. Ah, Riley. C'est bon, bah, je l'ai lu, ton CR, là. Je l'ai lu 10 minutes avant que ça commence et tout. Et à cause de ça, je perds un perso comme ça, gratos, quoi. Bah là, si, oula, j'ai l'air sérieux. Okay. Ah oui, t'as l'air sérieux. Parfait. Ok. Oui, et donc, un petit peu avant de partir, nous avons été interrompus par une jeune danseuse de ce club, certaine Yalécha, qui nous a parlé d'un étrange camion qui avait l'air de récupérer les gens du club. Mm-hmm. Des enlèvements ? Probablement. En tout cas, elle est à la recherche de... Trafic d'êtres humains ? C'est pas mal, et... Visiblement, son compagnon aurait été tué et elle chercherait à se venger. Il faut absolument remettre sous surveillance. Il faut absolument remettre sur surveillance la pyramide bleue. Ça me paraît nécessaire. Ok. Voilà plus ou moins là où on était. Je sais pas si j'ai tout dit pour le jeu. Ok, je vais vous trouver aussi une planque bien secrète. Il n'y a que moi qui va savoir où ça se trouve. Tu n'as pas parlé de l'homme qui est censé être derrière l'étrange camion. Parce que je m'en souviens absolument plus. Le nom du mec ? Bah, c'est Toufik aussi. Ouais, c'est Toufik. Oui, c'est Toufik. Bah, je l'avais dit, non ? Non. Bah, tout mène à Toufik Hassaïd. Ouais, bon, en fait, du coup, toi, Barrington, ça te fait un petit peu tiquer puisque tu l'as quand même mis sous... sous surveillance, et en fait, tu n'as jamais entendu parler de ça. Bon, je vous propose, c'est qu'on a qu'à arrêter Toufik Al-Sayed et on fait un petit interrogatoire, à ma façon. Sous quel motif, sous quel prétexte ? Le prétexte que, je sais pas, sa boutique doit pas être très conforme, à mon avis. Et on y allait, et pour moi, rien ne me paraissait... Bon, on trouve toujours quelque chose... qui va pas. Vous n'avez pas peur surtout d'attirer d'attiser ses soupçons ? Ah ouais, mais bon, il faut bien avancer, non ? Vous voulez qu'on le mette sous surveillance encore ? Alors, le mettre sous surveillance, c'est peut-être pas une bonne idée, puisque sachant que la planque que vous nous avez mis était censée être totalement secrète et que votre lieutenant s'est fait poignarder, que vous avez déjà mis ce cher Toufik Al-Sayed sous surveillance et que ça n'a rien donné, excusez-moi si je suis un petit peu franc, commissaire, mais... Je suis qu'inspecteur. Inspecteur, pardon, mais peut-être que certaines personnes de votre de Scotland Yard serait de mèche. Mais ça m'a traversé l'esprit aussi. Qui est-ce que vous aviez mis sous surveillance ? Enfin, qui sont les hommes que vous avez mis sous surveillance de Kelsey ? Oh bah, il y a plusieurs personnes parce que ça tournait quand même. C'était pas un job d'une seule personne, quoi. D'accord. Donc c'est assez peu probable qu'il y ait eu. Ou alors il y a beaucoup de taupes dans la police, mais c'est assez peu probable que ça vienne des hommes qu'il ait mis en surveillance auprès de Toufik. S'il l'a mis en surveillance sur 2 semaines, c'est pas toujours les mêmes mecs. Ça veut dire que potentiellement sur 2 semaines ou sur 1 mois, tu vois, il y aurait une dizaine de personnes qui seraient compromis, quoi, dans les gens qu'il a choisis pour le surveiller. Donc ok, c'est une impasse, quoi. Ça paraît peu vraisemblable. Après, bon, prenant les PNJ, je me suis rendu compte que Mickey Mahoney, le propriétaire ou le journaliste du scoop, il est roux. Peut-être que, tu vois, c'est le plus grand des hasards, mais voilà. Ah, effectivement, il nous aurait suivi, lui. Clairement, Elsa, toi qui as vu Mickey et qui as vu l'homme qui vous suivait, d'ailleurs toi aussi, Charlie, c'était pas les mêmes. D'accord. Bon, c'était pas le même. Ok, bah, Barrington, il est au courant aussi que... parce qu'il y a Gavigan, il faut absolument qu'on le voit. Avant de mourir, une des victimes aurait crié « Hotep », un antique mot égyptien signifiant « repos » ou « paix » d'après Edouard Gavigan. Toufik Al-Sayed a servi de guide dans des expéditions organisées par la fondation Penyu. Ça, vous le saviez. Ouais, ouais. Non, mais Barrington, il le savait aussi, du coup. Bah, c'est pour ça qu'il a été interrogé Toufik, d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais j'essaie d'orienter vers Gavigan, en fait, mais je sais pas trop comment Barrington pourrait... Le camion dont vous parliez, Charlie, c'était un passage régulier, un truc tous les jours, toutes les semaines ? Non, une fois par mois à peu près. Ouais. Ouais, donc ça veut dire qu'on ne peut pas attendre le truc. Mm-hmm. Sauf s'il est proche. Oui. Oui, non, je vais mettre... De toute façon, on va mettre Toufik Al-Sayed sous surveillance 24 heures sur 24, ça c'est sûr. Mm-hmm. Je vais m'en occuper tout de suite. Bien. Je repars au commissariat du coup pour relancer tout ça. Bon, on va peut-être partir avec toi du coup, si on est censé enquêter. Oui, ok, bah, prenons ma voiture. Qu'est-ce qu'il peut faire garder, tu vois, la chambre de Elsa? Ça, tu peux avoir des hommes. Je vais mettre mes meilleurs hommes sur faire les plus gros musclés. Je peux facilement le justifier, hein, parce que il y a eu le meurtre d'un policier, quelqu'un a tenté à sa vie, c'est facilement justifiable de lui fournir une protection policière là-dessus. Bah, c'est ce que je fais. Ok. Et on file au commissariat. D'accord. Vous arrivez à New Scotland Yard, hein, il n'y a pas de souci. Et donc, bah, je vais voir mon équipe et je leur dis qu'on met sous surveillance Toufik El Sayed 24/24. Et que Monsieur Bradbury et Monsieur Bloom, ici présents, travaillent avec nous sur cette affaire. L'affaire des meurtres égyptiens. Ça reprend. Bien, chef. Je ressors le dossier de mon tiroir. Boum. Boum. Le pavé, tu vois. Et voici le tome 2. Oh, et voilà. Parfait. Et il te demande du coup, on surveille sa boutique, on le met sous filature aussi, c'est ça? Filature, ouais. Toute la procédure habituelle. D'accord, ok. Ok, pas de plus. Je compte sur vous. Comment vous appelez-vous déjà? Lieutenant Dan. Nils. Okay. Nils. Faites venir le lieutenant Dan. J'ai deux mots à lui dire. D'accord. Le lieutenant Dan arrive, oui. Oui. Lieutenant Dan. Oui, chef. Vous faites des arts martiaux, il me semble. Un peu, chef. Ok, donc vous allez à l'hôpital et vous surveillez la chambre de Elsa Kastner, 24/24. D'accord, ok. Vous prenez vos collègues des cours de sport et c'est vous qui vous occupez de la surveillance. Bien, chef. Je compte sur vous. C'est quelqu'un de très important. D'accord, ok, pas de problème. Je compte sur vous, lieutenant Dan. Oui, chef, je vous décevrai pas. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais la dernière personne qui l'a surveillé est décédée. Vous vous rappelez de Clyde? Oui. Eh bien, il est mort. Non, c'est pas vrai, chef. Désolé de vous l'apprendre comme ça. Ah bah si je tombe sur le salaud qui a fait ça, je casse en deux, chef. Ouais. Il y a une collecte qui est organisée, d'ailleurs, pour Clyde, si vous voulez me donner un petit billet. Bien sûr. Parfait. Bah, je lui prends son argent et puis je le laisse partir. Ok. Très bien. Mais tu raquettes tes hommes, toi. T'es ouf. Non, il va vraiment faire une collecte. Oui, bien sûr. Attention, on parle à Jess Varrington, on parle plus de Elsa Kastner. Hein. Je prends le billet, je le mets dans mon tiroir, avec tous les billets de tout le monde. Alors, c'est pas un billet, c'est plutôt des pièces, parce qu'une livre à cette époque-là... Oh, le radin, ok. Parce qu'une livre à cette époque-là, c'est énorme. Il m'a donné la moitié de son salaire, le flic. Très bien. Ok. Que faites-vous? Quelle est la suite des opérations? Que décidez-vous de faire? Bah déjà, je déplie la map. Là, j'avais une carte avec de Londres avec tous les meurtres, les 22 meurtres punaisés. Je la remets au tableau, tu sais, parce que je l'avais décroché par défaut. Ah ouais, pas de souci. Je la remets. Alors, oui, pas de problème. Du coup, les 22 meurtres, alors... J'imagine que tu les as pas. Mon aide de jeu préférée, qui est absolument habitable. Alors... Mais bon, ça va pas nous aider. De toute façon, il faut qu'on aille... Je sais pas. Alors, j'ai le 14 Manford Street, le 58 Sutton Row, le 3 Pixley Street Limehouse, le 42. Enfin, bon, bref, j'ai tous les lieux si tu veux, y a pas de soucis. Ok, si jamais. J'ai les lieux, j'ai les identités, j'ai les dates, j'ai les origines des personnes, j'ai les professions des personnes, j'ai l'âge des personnes, j'ai les causes des décès et j'ai les notes. C'est dans le compagnon des masques de Nyarlathotep, ça? Non, c'est dans la campagne de base. Ah oui, les 22 victimes. Ouais, c'est juste qu'ils ont fait un copier-coller d'un tableau Excel sur deux pages et du coup, c'est absolument extrêmement dur à utiliser. Okay. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on n'irait pas à la fondation Pennyou? Là, vous êtes dans la... Comment dire? Il fait nuit, là. Ah. Parce que vous êtes arrivé le soir, ensuite la nuit tombait, le temps que le Barrington arrive, donc il fait nuit. Ouais, je vais peut-être rentrer me coucher, alors. Oui, là, pour le coup, on va peut-être aller se coucher, mais alors le problème, c'est qu'on a été quand même légèrement compromis. Il va falloir retrouver une planque, donc Barrington, effectivement, toi, tu peux trouver une planque, tu en as... Bah, sinon, je vous accueille à la maison, j'ai des matelas. C'est possible aussi. Moi, j'ai une vie de famille, non? C'est pas écrit, ça. C'est pas écrit. À toi de me dire. Bah ouais, j'ai une femme. Non, si, j'ai une femme. Une femme et un enfant. D'accord. Parfait. Donc, bon, je vous propose de dormir chez moi. J'ai une petite chambre pour vous, si vous voulez. Il faudra partager le lit, mais au moins, je suis sûr que personne ne viendra essayer de vous tuer. Ou alors, ça voudrait dire que ce soit moi. Écoutez, avec plaisir. Merci, inspecteur. Alors, je pense qu'on va souder l'équipe comme ça. Fait du team building. Et donc, vous vous rendez donc à la maison de l'inspecteur Barrington, qui se trouve au nord-est de Londres. Oui, un peu éloigné du centre. Hein. Ouais. Eh bien, je vous présente Mathilda, ma femme. Enchanté, Mathilda, Charlie Bradbury. Ah ben, enchanté de même. Chérie, ces messieurs vont dormir ici ce soir. Bah, tu aurais pu le prévenir plus tôt, j'aurais fait la chambre, j'aurais aéré quand même. C'est pas aéré ? Ah, ben bah, voilà, je te préviens maintenant. Ah, bravo. Il est odieux. Si tu peux aller t'en occuper, moi je vais tout de suite. Je vais servir un verre. Vous voulez un petit verre, messieurs ? Avec grand plaisir. Ouais. Je sors un scotch 20 ans d'âge. Carrément. 5 ans d'âge, je ne les connais pas bien. T'as marqué au marqueur 20 dessus, tu sais. Le sang qui est rayé. Ok, et vous buvez donc un petit verre chez l'inspecteur Barrington. C'est quand même c'est classe moyenne, Barrington, inspecteur de Scotland Yard, comment ça peut gagner ça ? Inspecteur principal, ouais, c'est classe moyenne aisée, quoi. Aisée, ok. Bon, j'ai un grand séjour pour accueillir des invités. Et une chambre d'amis, quoi. Très bien. Ah ouais, tu dois avoir, allez, on va mettre. Mais j'ai pas de. 55 en crédit, quoi. J'ai pas de serviteur, de domestique. Non. Oui. Moi, j'ai déjà ma femme, tu aimes bien. C'est l'horreur. Moi, je préfère Elsa comme perso. Désolé, hein. Je suis Barrington, dit comme ça. Le MJ va faire revivre Elsa en 30 secondes. Et là, vous entendez sonner à la porte. Et c'est Elsa qui vous rejoint en tenue d'hôpital. Du coup, que faites-vous une fois là-bas ? Est-ce que vous essayez de mettre au point un plan ? Est-ce que vous essayez de prendre une bonne nuit de sommeil ? Oui, les deux. Pendant qu'on prend le verre, j'imagine qu'effectivement, on essaie de. Enfin, on ressasse un petit peu tout ce qui s'est passé. Et comme le disait Percival, peut-être qu'aller voir la fondation Penhew et la prochaine, et notamment Gavigan, c'est la prochaine piste à suivre. Okay. Je vois pas de meilleure idée, tu vois. Et vous pensez que moi je dois y aller en tant qu'inspecteur, hein, ou ça va pas éveiller ses soupçons peut-être ? Bah, peut-être qu'on n'est pas obligé d'y aller tous en même temps, tu vois. On peut attendre dehors. Est-ce que vous êtes obligé de vous faire passer pour l'inspecteur Barrington ? Vous pouvez pas agir un peu sous couvert ? Il me connaît. Ouais, ah, il vous connaît. On se connaît. Bah, je peux trouver un prétexte, mais mettons que on l'interroge pas en même temps, peut-être. Ouais. Vous d'un côté, et puis peut-être quelques heures plus tard, j'y vais à mon tour et je l'interroge. Deux fois dans la même journée, il a trouvé ça suspect, mais on aura peut-être deux versions différentes du même sujet. Dans ce cas, il faudrait qu'on se fasse passer pour peut-être des journalistes qui veulent du scoop. Bah, ouais, je pensais lui dire de discuter avec lui, de lui dire que je comptais organiser une expédition en Afrique sur les fonds de ma famille, un peu de la même manière que l'expédition Carlyle en fait, et que d'où je venais. Ah, c'est une très bonne idée. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de ce genre de réception mondaine. Sachant qu'en plus, Percival, en tant qu'anglais et en tant que lord anglais, tu es facilement reconnaissable. C'est-à-dire que le déguisement, ça va être compliqué aussi. Oh, mais bon, j'ai l'intention d'aller comme je suis, tu vois. Sans faire de. Ta-da-ta-ta-ta. Mais. Bah après, je me dis, soit il fait partie du truc, tu vois, soit il en fait pas partie, quoi. Enfin. Merci Captain Obvious. De rien. C'est toujours un plaisir. Il y a pas de 100% il en fait mauvaise. 100% il en fait partie, c'est sûr. Attends. Bah, moi je comptais sur une discussion comme ça, tu vois, pour essayer étape par étape, tu vois, de voir s'il y a des choses qui bougent. Tu vois, quand tu rajoutes, je sais pas, des trucs genre. Oui, Jackson Elias, mort assassiné. Le Gavigan, il est au courant de tout, attends, c'est sûr. Mais ça, c'est. Tu penses l'interroger en essayant de le faire tiquer pour voir si perd son poker face, en fait. Ça, c'est de la psychologie. Je vais essayer de faire une Elsa Kastner, tu vois. Ouais. Mais Elsa, elle y arrive parce qu'elle a. Elsa, elle y arrive quelque peu parce qu'elle a 70 en psychologie. Ah, ah bah c'est facile. Et bah non, moi je lui... point de vie. Non, bah je vais lui proposer de l'argent, ça ira plus vite. Bah j'ai 10 en psychologie, tu vois. Ok, faisons ça. Et puis moi, j'irai l'interroger peu après en lui disant qu'il y a eu un nouveau meurtre sur l'affaire des Égyptiens et que j'ai besoin de lui et tout. Très bien. Que mon policier, Clyde, s'est fait assassiner façon rituel égyptien et que ça m'inquiète. Okay, parfait. Donc vous faites ça le lendemain, donc pour rappel la fondation ouvre de midi à 16h du lundi au vendredi. Bah Mathilda va nous préparer un petit déjeuner. Ok, peut-être ceci. Et que faites-vous dans la matinée ? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous souhaitez faire ? Peut-être faire un petit tour à l'hôpital pour aller voir Elsa pour s'assurer que tout s'est bien passé. Moi je repasse au commissariat du coup. C'est après, okay. D'une manière un peu, après, sans te mettre la pression aucunement, enfin, sans lui mettre la pression aucunement, Percival demandera quand même un peu à mon nez à Charlie, qu'est-ce qu'il fait à Londres, tu vois. En mode, bon, sauf erreur, vous faisiez des études à Miskatonic, tu vois. Pourquoi Londres Bon, du coup, Barrington retourne au commissariat et vous êtes sur le chemin de l'hôpital, donc vous discutez, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, à un moment donné, j'ouvre ça avec un peu de tact en disant je suis surpris de vous voir à Londres. Écoutez, j'étais envoyé dans le cadre de mes études. Étudiant en archéologie, comme vous le savez, j'ai quelques petites notions en occultisme. En tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse et qui est notamment partie de mon sujet d'études. Et de vous à moi, je recherche également quelqu'un et la SEI m'a donné les moyens de venir à Londres pour vous assister et ce qui me permet à côté de ça de rechercher cette personne. D'accord, bah, écoutez, si vous avez à un moment donné besoin d'aide, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. Du coup, vous êtes à l'hôpital, Elsa est sortie de salle d'opération, elle dort et son état est encore instable, donc... Et vous voyez effectivement qu'il y a des policiers en fait de faction à sa chambre. Vous n'avez pas amené des fleurs quoi en plus. Vous êtes venu sans fleurs. Bah oui, évidemment. Ah oui. Ils sont venus avec un kilo de paprika. Avec de la cocaïne. Tiens. On est quand même d'accord que c'est l'inspecteur Gouja Barrington qui nous fait la morale sur le fait de ramener des fleurs à l'hôpital quoi. Non, je crois que c'est la petite voix d'Elsa là par contre. Elle est toujours dans un état critique, mais quand on est rentré dans la pièce, elle a fait « Mes fleurs Oh, de salaud !» Non, je demande, même si je connais la réponse, je demande rapidement si la nuit était calme et qu'il s'est rien passé de particulier. Tu expliques que y a eu une opération plutôt lourde, que pour le moment son état est encore entre la vie et la mort, mais qu'ils ont fait le maximum, il n'y a plus qu'à attendre de voir si... Si sa volonté de vivre va surpasser ses blessures et qu'elle va se réveiller. D'accord. Et au niveau du policier en place, de l'inspecteur, du policier Dan rien de particulier dans la nuit. Le lieutenant Dan. Rien de particulier dans la nuit, non. Ok. Bah, à moins que tu aies quelque chose à faire ici, Percival, je pense qu'on peut retourner voir l'inspecteur. Ouais, non, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. C'est ok, honteux. Donc. Qui arrive à Elsa, c'est honteux. Comment ça, c'est honteux? On a dit. Juste parce que j'ai pas lu ton compte rendu, là. pas du tout. Pas du tout. On en discutera dans le débrief, si tu veux. Du coup, vous arrivez à News Scotland Yard et vous êtes reçu par l'inspecteur Barrington, je suppose. Oui. Entre-temps, j'ai demandé s'il n'y avait pas eu Toufik, s'il n'avait pas bougé sur Toufik Al-Sayed, non ? Alors, Toufik, non. On te dit qu'il dormait dans son appartement au-dessus de sa boutique. D'accord, très bien. Et je voudrais aussi qu'on mette des gens autour du la nuit. Toutes les nuits, il faut des gens autour de la pyramide bleue. Ok, bien, chef. Et je veux un rapport tous les matins. Parfait. Désolé, hein, c'est une affaire très importante. Hein. Non, mais on a bien compris, chef. Je vais mettre les équipes sous pression dans les prochains jours. On veut absolument coincer ce salaud aussi, chef, hein, vous inquiétez pas. Ouais. On saura ce qui est arrivé à Patrick, je vous promets. Ah, on espère, chef. Bon, bah, rompez. Bah, enfin, cassez-vous. Faites votre boulot. Cassez-vous. Dégage, l'herbin. Ok. Allez, okay. Les connards, vous allez bosser, là. il s'en va. Charlie et Percival arrivent. Que faites-vous? Bon, Miss Kessner va bien. Oui, elle se repose, elle est encore inconsciente. C'est bien. Je lui ai fait envoyer un bouquet de fleurs de la part de Scotland Yard. C'est gentil. Je suis sûr qu'elle sera très touchée si elle survit. Bon, et on va voir ce Gavigan du coup. Tout à fait. Oui. Allons à la fondation. Il est bientôt midi là, ça va ouvrir. Alors, oui, ça va ouvrir. Donc, vous arrivez devant l'immeuble de la fondation Pennywood. Donc, c'est un bâtiment cossu aux lignes sobres et étudiées et qui est entouré d'une haute grille en fer forgé. Vous voyez qu'à l'arrière, il y a un portail de livraison qui peut accueillir des camions et qui semble verrouillé par des grosses chaînes avec des cadenas. Ah. Alors, vous remarquez, vous me faites un jet de toc et on va voir si vous remarquez, en fait. Excusez-moi. J'oublie qu'il y a des jets de dés. On oublie les règles. Réussite majeure. Réussite ordinaire. Échec. Donc, Barrington et Bradbury et Charlie, donc, vous remarquez qu'il y a des personnages un peu, quelque peu suspects qui attendent on ne sait quoi autour de la fondation. Certains sont anglais, d'autres arabes ou indiens. Qui de vous trois a le plus gros score de chance ? Probablement pas moi, je suis à 35. J'ai 43. 65. Ah ouais ? Eh bien, écoute... Le qui... J'ai les stats de fou, là. Le qui Barrington ? Tu vois que y a des hommes qui sont en train de livrer ou d'embarquer des marchandises à l'arrière du bâtiment. D'accord. Ben je m'approche. Ok. A priori, ce sont des gens qui doivent travailler pour la fondation ou au moins en tant que transporteurs pour la fondation. Ils sont en train d'embarquer des caisses et donc là, ils chargent le camion et ils vont pas tarder à partir. Bonjour messieurs. Alors, ils se regardent tous un petit peu bizarrement. Il y en a un qui arrive devant toi, qui parle très très mal anglais et qui dit bonjour. Inspecteur Barrington, ce que j'en garde. Bonjour. Bonjour. Je voudrais voir le contenu des caisses que vous transportez. C'est fondation, nous pas ouvrir, nous transporter, fondation. D'accord, bon allez, je peux jeter un oeil. Moi, pas savoir, vous demandez fondation, caisse, pas à moi, fondation. Mmh, d'accord, oui, j'ai bien compris, oui. Et vous partez tout de suite, là ? Bientôt, fini, charger et partir. Vous partez où ? Doc. Au doc, d'accord. Vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur ? Vous occupez pas du char ? Nous, pas savoir transporter, nous, transporteurs. Vous transporteurs, ouais, très bien. Très bien. Faites votre travail, je vous laisse. Il te fait un signe de tête et puis il fait signe aux autres de continuer à charger les caisses. Tu vois qu'il y en a plus beaucoup à charger qui vont pas tarder à partir. Est-ce que le camion ressemblerait pas au camion de... Bah on sait pas, on l'a pas vu. Ah, vous savez pas. Ouais. Bah il y a des chances, mais on l'a pas vu. Enfin, peut-être pas d'ailleurs, il y a plusieurs camions. Mais... Ouais, ça va rien dire. Ouais. En fait, je sais pas s'il faut bloquer le camion là, pourquoi on m'attire l'attention sur ces caisses et que j'ai de chance et tout. Juste par la taille des caisses. Ouais. Tout ça plutôt l'air, tu vois, comme ça, c'est des choses qu'on a un univers qu'on connaît un peu. Tu vois, est-ce que ça a l'air d'être des caisses d'objets C'est plutôt. Ouais, il y a des caisses d'objets, c'est divers et varié en termes de taille de caisses. Non, toutes les caisses ne ressemblent pas à des sarcophages ou à des cercueils, si c'est ça la question. Oui, non, c'était plus... Est-ce que ça donne l'impression d'une collection d'objets qu'on déplace, tu vois ? T'as l'impression que ce sont, ouais, effectivement, des objets. Ouais. Sans doute qu'on déplace, sans doute qu'on envoie ailleurs. Après, bon, c'est... Il y a une salle d'exposition dans la fondation, donc est-ce que c'est des ouais, prêts ? Du coup, je sais pas s'il faut vraiment... Ça vaut vraiment le coup de... Ouais, de rester ouais. Focalisé dessus. Ouais. Bah après, si c'est au doc, on va trouver, tu vois, on va retrouver si on a besoin. Ok, ouais. Il y a une plaque d'immatriculation, quelque chose qu'on pourrait un noter nombre, un nombre, sur les, un numéro sur les caisses. Ouais. Vous pouvez noter la plaque d'immatriculation. Ouais. Ok, bon, on fait ça. Bon, bah, je vous laisse d'abord parler avec Gavigan, du coup. Tout à fait. Ok, bah, je vous attends dehors. Ok, donc vous arrivez à la fondation. La fondation, donc, c'est une grande fondation d'égyptologie. Il y a un portier qui vous ouvre. Vous voyez une sorte de un secrétaire qui a l'air assez baraqué, qui est derrière un comptoir à l'entrée, ici sur le plan. Voilà. Et hop. C'est ça de soulever des sarcophages. Ça te. Ah bah c'est. Oui, ça. Je regarde juste. Donc du coup, ouais, vous avez normalement bizarre ce plan, mais c'est pas grave. Ah, je vais vous donner un autre plan. Ce sera peut-être mieux. Si vous avez 30 secondes. Mm-hmm. Hop. Voilà. Et. Oula. Et oui. Oula. Je vois mon écran est noir chez moi. Ouais. Ah. Je vais le mettre en noir, c'est ça. Ah, on ne veut pas tout voir. Ah, vous ne voulez pas tout voir. On a vu que c'était gigantesque. Effectivement. Alors. Déjà, hop, révéler les zones. Donc là, comme je vous disais, vous voyez déjà tout ça. Donc l'entrée qui est ici, ça veut bien faire mes marqueurs, voilà, l'entrée qui est ici, le comptoir dont je vous parlais qui est là. Et du coup, vous avez un secrétaire qui attend, qui vous regarde en vous demandant, enfin en se demandant un petit peu ce que vous voulez. En tout cas, le rez-de-chaussée a l'air d'être un peu le centre administratif de la fondation. Bah écoute, je vais voir le secrétaire. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je suis Lord Halifax. Messieurs, je lui donne ma carte, tu vois. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de faire prévenir de ma venue, mais j'aimerais m'entretenir avec, comment il s'appelle, Gavigan. Avec messieurs Gavigan qui gère cette fondation, j'aurais quelques questions. Technique et logistique à lui poser s'il a un peu de temps libre. Est-ce que nous pouvons visiter en attendant ? Vous souhaitez visiter l'exposition? Oui, bien sûr. Et écoutez, je vais le faire prévenir et puis de toute façon, je vous amène à l'étage pour l'exposition. Alors attends, parce que là, hop, bouge pas. J'essaie de lui demander un café en plus, tu vois. Je trouve qu'il m'a mal accueilli. je lui mets 2 sur 5 pour l'instant. Je note sur mon appli, quoi. Ça, c'est Après, c'est Halifax Advisor, tu sais. Ok, donc... Ah, qu'est-ce que c'était de merde. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, la gestion du VTT. Donc il vous amène à l'étage. Et à l'étage, vous voyez la salle d'exposition. Et il vous dit donc d'attendre ici. Donc hop, vous voyez effectivement que c'est une grande pièce avec donc un escalier qui arrive dans la salle d'exposition. Et lui part à côté dans un des bureaux pour sans doute prévenir Monsieur Gavigan. Ok. Est-ce que dans ce qu'on a... Lui repart en bas plutôt, excuse-moi. Ouais. Est-ce que dans ce qu'on a traversé ou vu, il y aurait des choses, tu vois, qui nous auraient attiré peut-être En fait, vous êtes parti de l'escalier du bas pour monter à l'escalier du haut. Hein. Au niveau du comptoir, vous êtes parti de là pour arriver ici, en fait. Donc, vous avez pas. Ça laisse pas beaucoup de place à la. À l'exploration, on va dire. Ok. Je regarde un petit peu ce qu'il y a dans les vitrines. C'est des pièces égyptiennes un petit peu partout. T'as des pièces de rangement. Au niveau des. Voilà, c'est des vestiges de l'Égypte antique, soigneusement évalués et répertoriés. A priori, vous voyez des gens qui demandent à une personne s'ils peuvent étudier telle ou telle pièce. Donc, une personne récupère les pièces et les gens ensuite sont enfermés dans des salles, vous pensez des salles d'études. D'accord. Ok. Est-ce que la collection a l'air d'avoir été installée il y a longtemps, tu vois, genre quand on regarde un peu la poussière sur les trucs Oui, mais c'est difficile à dire vu qu'il y a quand même des pièces qui ont l'air de bouger pour être étudiées en salle à côté. Donc voilà, mais la collection a l'air d'être là depuis quelques temps. Ouais. Ok. Bon, bah pareil, après moi je peux regarder les trucs, tu vois, c'est pour s'il y a quelque chose qui attire l'œil en premier regard. Non, pas spécialement. Effectivement, c'est un peu. Non, il n'y a pas grand chose qui t'attire l'œil. Alors, on peut te faire visiter un petit peu, on peut te montrer différentes choses. Donc, tu as les objets exposés. On t'explique qu'ici, tu as des salles de collection avec... Je me suis planté. Ici, donc, tu as des salles de collection. Ici, tu as des salles d'études. Mais en gros, il n'y a pas de choses exceptionnelles ici. Au bout d'un moment, donc, le secrétaire revient et donc il vous dit, Monsieur Cavillan va vous recevoir si vous le désirez. N'hésitez pas. Écoute, je regarde Charlie. Ouais, s'il n'y a pas de contre-indication, on va aller voir Monsieur Gavigan. Vite fait, est-ce que dans ma tête, j'ai pu faire une question un peu de wouzou anglais, de qui est Gavigan, tu vois, est-ce que c'est quelqu'un qui est bien installé dans Londres depuis quelque temps? Est-ce qu'au contraire, c'est... Alors, Edouard Gavigan, effectivement, fais-moi un petit jet de crédit. C'est parfait. Réussite ordinaire, du coup. Tout à fait. Edouard Gavigan, donc directeur de la fondation PNU, fait de l'excellent travail, surtout depuis la disparition de Sir Aubrey PNU avec l'expédition Carlyle. C'est quelqu'un qui ne fréquente pas forcément dans la haute société, mais est très, très apprécié dans le milieu de l'égyptologie et qui a l'air d'être quelqu'un de très carré et de très professionnel. Donc, Aubrey PNU était à quel était dans la... Ouais. Sir Aubrey PNU était un des membres de l'expédition Carlyle. Ok. Et Sir Aubrey PNU, c'est lui qui... Donc, j'imagine que c'est lui le fondateur de la fondation, ou elle a été renommée comme non, ça Non, c'est le fondateur. Okay. C'est le fondateur. C'est un lord anglais aussi que tu connais, qui était... comment dire féru d'égyptologie. Ok. Oui, parce que je veux dire, c'est que du coup, en fait, Gavigan, c'est plus un gestionnaire de fondation que quelqu'un qui a l'argent, tu vois, c'est pas... Tout à fait. Lui, il est directeur de la fondation. Son boulot, c'est de faire en sorte que ça tourne, quoi. Ok. Vous êtes reçu donc dans ce bureau, ce grand bureau qui est le bureau de Gavigan, qui vous accueille. Lord Halifax, enchanté de faire votre connaissance. Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir. Dans un coin de la pièce, vous voyez un coffre-fort moderne, dont la porte est légèrement entrebâillée. Que puis-je pour vous, Lord Halifax ? Écoutez, je suppose que si vous êtes venu me voir, c'est que vous aviez quelque chose à me demander. Je suis venu un peu... Enfin, déjà, je vous remercie beaucoup de votre accueil. C'est un plaisir d'accepter de me recevoir et de me recevoir alors que je viens à l'improviste. Mais effectivement, j'aurais quelques questions à vous poser, plus des questions génériques, puisque moi-même, j'aimerais éventuellement lancer une expédition un peu similaire à l'expédition Carlyle, dont j'ai entendu parler, dont j'ai suivi malheureusement le récit de mes aventures. Oui, et je me dis... oui et, c'est une tragédie. Ah oui, un drame terrible, je veux dire. Partir aussi loin et voilà, être assassiné en plein milieu de la savane, je veux dire ça parce que je ne vois pas d'autres mots. Non, c'est un drame. Et c'est pour ça que j'aimerais bien, si j'en fais une, partir avec au moins autant de préparation. Et c'est peut-être pas descendre aussi bas dans le sud, mais bon, c'est vrai que le sud de l'Égypte et certaines zones autour du Nil pourraient être intéressantes. Bon, bref, globalement, j'essaie de l'embarquer un peu là-dedans. Écoutez, vous parlez à un égyptologue convaincu, donc je suppose que vous venez me rencontrer pour savoir quelle aide la Fondation Peignot pourrait vous fournir en termes de logistique, de guide, de documentation et autres, j'imagine bien. Ben c'est exactement ça, vous avez cerné mieux que j'aurais pu l'exprimer, parce que mes besoins, c'est vrai que, disons que je dispose de la volonté de quelques ressources que je pourrais mettre à disposition d'une expédition, mais peut-être ça, c'est un territoire qui m'est inconnu, il me faudra bien sûr des personnes sur place, et j'ai cru comprendre que vous aviez déjà travaillé avec des... enfin, vous aviez déjà réussi à trouver des personnes ressources pour servir de guide. Oui, ça nous arrive régulièrement, effectivement, pour les expéditions qui partent de Londres ou de ressortissants anglais qui mènent des expéditions là en Égypte, tout à fait. Et qu'espérez-vous découvrir, du coup, en Égypte? Où comptez-vous aller exactement? Qu'est-ce qui vous mène là-bas? Puisque je ne crois pas que vous soyez un égyptologue forcené comme d'autres. Non, une curiosité très générale. Alors, je suis juste en train de réfléchir sur est-ce que je lui sors tout de suite le truc genre phare en noir machin et tout, ou juste le fait. Attention. Oui. J'ai cru comprendre qu'il y a des mots à pas dire, tu vois. Genre, oui, non, phare en noir et tout. Mais Jackson, Elias, tout ça. Bon. Jackson, Elias, il faudrait que je le mentionne quand même à un moment donné. Mais... La tout verata dectu. Non, je lui dis que, écoute, moi j'aimerais bien, en fait, en hommage un peu, tu vois, un truc un peu naïf, en mode, en hommage à l'expédition Carlyle, j'aimerais bien refaire une partie de leur trajet. Oui, quand même. Enfin, vous imaginez une expédition comme ça, s'arrêter sur un échec, enfin, c'est fou. C'est oui, bah, c'est sur une tragédie même, plutôt qu'un échec. Mais écoutez, je peux essayer de voir, effectivement, vous communiquer les endroits où ils sont passés en Égypte, pour retracer un petit peu. Je lui dis que j'ai une connaissance un peu lointaine qui m'a parlé de ça, qui est un certain Jackson Elias, qui, justement, c'est lui qui m'a fait connaître. Tout le monde parle de lui. Eh oui, je conçois, puisque j'ai moi-même reçu Monsieur Elias, si on parle bien lui-même, américain, auteur de livres. Auteur de livres sur les cultes. Oui, les cultes. Ce genre de choses. Oui, c'est comme ça que je l'ai connu. Je lui avais envoyé une lettre. Et... Ah oui, ça fait sens, puisqu'il m'a interrogé sur la participation de Sir Aubrey à l'expédition Carlyle. D'accord, mais oui, c'est vrai qu'il était assez, il était très intéressé par l'expédition Carlyle, il essayait de recomposer un peu le trajet. Il n'est plus intéressé du coup, je comprends bien. Mais je crois qu'il est mort. Mon Dieu, c'est affreux. Que lui est-il arrivé? Je sais plus s'il a été victime d'une quelconque maraude ou quelque chose comme ça, ou d'un accident. Mais je sais qu'il est mort de manière assez brutale au début d'année. Mon Dieu, c'est horrible. Est-ce qu'il a l'air, tu vois, sincèrement... C'est pas après pour le dire en psychologie, j'ai aucune idée. Après, Charlie, si toi, t'as des... c'est ce que j'étais en train de regarder, mais absolument pas. J'ai dit en psychologie aussi, je me suis... Vous pouvez lancer un jet en psychologie, hein, on sait jamais. Ça fait... On va tenter, mais bon. C'est un échec. Comme prévu. Il est Vous avez une très bonne poker face, monsieur. Je vais te tuer. Ah, vraiment une très très bonne poker face. Bon, c'est un échec aussi, ouais. Donc non, je lui dis, bon, moi, je suis plus en mode Jackson Elias, je le connais pas trop, il est mort. Ah, ouais, bah, moi je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, mais oui, bon, c'est toujours triste, effectivement, quand ce genre de choses arrivent. Mais il était venu vous voir à quel... Parce que vous voulez projeter un livre? Il y avait des sujets, enfin je sais qui... On Il peut... a. Bah, je ne sais pas du tout. Il me posait des questions sur la participation de Cyr Aubrey, donc savoir comment il avait rencontré Monsieur Carlyle, comment il avait convaincu Cyr Aubrey de se lancer dans une expédition. En fait, Roger Carlyle avait obtenu des renseignements par l'intermédiaire d'une mystérieuse personne, une Africaine apparemment. Sur une époque obscure de l'histoire de l'Égyptienne. Cette époque intéressait beaucoup Cyr Aubrey, donc du coup, il a convaincu Cyr Aubrey de se joindre à son expédition. Vous savez, je m'étais laissé entendre que c'était Sir Aubrey qui avait planifié le trajet de l'expédition, mais en Oui, fait, tout à fait. Bah, oui. c'est une fois que Roger Carlyle lui a proposé ça, c'est lui qui s'est chargé de tout. Cyr Aubrey était un féru d'égyptologie, il connaissait l'Égypte par cœur. Et comme je disais, cette période l'intéressait beaucoup. Il voulait absolument savoir. Donc, si les renseignements apportés par cette mystérieuse femme, enfin cette femme, étaient vrais, cela intéressait Cyr Aubrey. Vous savez, c'est une légende qui dit que dans des temps reculés, un sorcier aurait régné sur la vallée des rois, enfin la vallée du Nil. Hélas, toute l'histoire racontée par cette femme n'était qu'une escroquerie. Une fois en Égypte, la jeune femme a disparu avec les fonds de l'expédition. Elle a peut-être embarqué quelque chose comme 3 500 livres. Ah, 3 500 oui. livres, on parle d'un demi-million maintenant. Entre nous, Lord Halifax, entre hommes du monde, je crois pouvoir dire que si Carlyle n'a pas regretté une seconde la perte de son argent, il s'est montré très affecté par la trahison de sa maîtresse. Après, c'est le lot des gens assez fortunés. Bon, l'argent va, vient, alors que les toujours un peu déçu par les. Je veux dire par les femmes, mais par les hommes en fait aussi. Par l'être humain. Suite à ça, bah, craignant que la chaleur et la déception égyptienne n'affectent gravement l'état de santé de son ami et le sien, Madame Hypatia Master, qui faisait partie de l'expédition en tant que photographe, avait suggéré que le groupe passe les mois d'été sur les hauts plateaux relativement tempérés du Kenya. C'était pour elle une merveilleuse occasion d'essayer de nouveaux objectifs photographiques sur la faune africaine. Malheureusement, là-bas, ils se sont égarés en territoire dangereux, une erreur qu'ils ont payée de leur vie. L'essentiel des archives a été également perdu car Cyr Aubrey les avait emportés avec lui. Il voulait travailler sans attendre pendant que ses souvenirs des fouilles étaient encore frais. Alors, ça c'est un drame, je pense qu'il serait bien d'essayer de retrouver ces archives-là. Ouais, mais où qu'il allait, où qu'il soit, ses notes et ses archives l'accompagnaient tout le temps. Mais ça veut dire qu'il aurait pu laisser, alors je dis ça peut-être que je suis d'une impolitesse rare, qu'il aurait pu laisser des notes ici sur le trajet qu'il avait préparé, cette Nous fameuse avons légende. bien reçu des lettres de la part de Cyr Aubrey, mais ce ne concernait pas vraiment l'expédition, plutôt le jeune Carlyle. Je ne pense pas que cette correspondance, on va dire, privée, vous intéresse réellement. Si à l'occasion, après, j'aurais pas fouillé impunément dans les affaires d'un mort, mais si à l'occasion, il Oui, y a parce des que opportunités, c'est En y réfléchissant, l'expédition a malgré tout mis à jour des divers objets intéressants qui appartenaient à d'autres époques. Par contre, un bon nombre Ok. d'excavations exploratoires ont été réalisées en prévision d'une étude systématique du site de Dachour par Cyr Aubrey. Et il y a aussi certains sites secondaires qui ont été découverts dans le désert, à l'ouest de la pyramide de Gizeh. D'accord. Je crois que le gouvernement égyptien a prisé plusieurs des artefacts récoltés au British Museum et nous sommes encore en négociation pour acheter plusieurs pièces de moindre importance pour la fondation. J'ai pas compris, il y a des artefacts qui sont au British Museum, mais c'est quoi Oui, le gouvernement? le gouvernement égyptien a autorisé le prêt des artefacts trouvés au British Museum. Et la fondation Penew, comme je vous le disais, est en négociation avec le gouvernement égyptien pour acheter des pièces moins importantes pour la fondation. Est-ce que vous auriez la liste des objets qui Pas sont... du tout. Ils sont toujours en catalogage au musée égyptien du Caire, je crois. D'accord. Ah, mais ceux qui sont au British Museum, puisque comme c'est pas très loin, on pourrait en regarder quelques-uns éventuellement. Alors, au British Museum, je ne saurais pas, mais je peux vous montrer ce que nous avons ici, si vous le souhaitez. Ah, bah, avec plaisir. Du coup, bah, il vous guide à travers une infinité de tessons ciselés, de poteries brisées, de statues sans nez, de bas-reliefs où se côtoient chats et dames en tenue légère, ce genre de choses. Donc, la visite, il a l'air intarissable sur les sujets. Ça fait déjà presque une heure que vous êtes en visite. Est-ce que vous continuez? Que faites-vous? Moi, je dis à Charlie, après, je ne sais pas, tu vois, c'est à un moment donné, moi, si je peux lui tenir la jambe longtemps, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'aller... D'aller explorer un petit peu. Ouais, fouiner à droite à gauche, peut-être qu'il n'a pas fermé son coffre-fort. Tu vois, Wink. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, pendant que tu lui tiens la jambe, je les accompagne un peu, je fais mine de m'intéresser notamment aux fresques, déjà voir si y a un intérêt quelconque à ces objets-là, ou c'est vraiment juste de purs objets d'archéologie. Et puis, une fois que je les vois s'éloigner, si j'arrive assez discrètement à rebrousser chemin et aller voir dans son bureau. Okay. Bah, je vais te demander un petit jet de discrétion, du coup. Quelle bonne idée. Non. Attends. Je vais dépenser 4 points de chance pour faire une réussite. Parfait. Parfait, parfait. Donc, tu te diriges vers le bureau de Gavigan. Ouais, tout à fait. Alors, le bureau de Gavigan... tu regardes un petit peu à gauche, à droite, il n'y a pas grand-chose qui te paraît suspect. Il y a juste le coffre-fort qui est ouvert et qui contient 100 billets de 5 livres. Ok, il n'y a que les billets dans le coffre. Ouais. D'accord, et dans son bureau, je ne prends pas les billets. Hein. Dans son bureau... Bah, je vais te demander un petit jet de trouver objet caché. Réussite majeure. Réussite majeure. Alors, ce que dont tu t'aperçois, ce n'est pas forcément dans le bureau, mais tu t'aperçois qu'ici, sur le mur nord, puisque là, normalement, par ici, c'est le nord... Il y a un panneau secret. D'accord, ok. Je vais essayer d'ouvrir. D'accord. Il est comment le panneau? C'est genre un cadre qui suffit juste d'éclipser ou est-ce qu'il y a une combinaison? Il n'y a absolument rien à l'air très bien. si, en fait, c'est que du coup, ça, c'est le panneau secret. Ouais. Et donc, tu peux passer dans cette pièce directement. D'accord, ok. Ok, j'y vais. Donc, dans cette pièce, c'est une sorte d'entrepôt. Il y a des boîtes, des caisses, des vieux meubles qui y sont entassés. Il y a un vieux sarcophage vide et abîmé qui est allongé sur le sol. Ok. Est-ce que le sarcophage me dit quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que tu l'as déjà rencontré dans une soirée? Est-ce que... Non. Comme je suis étudiant en archéologie, est-ce que la représentation du sarcophage, je l'aurais vu dans un livre? Tu peux me faire un petit jet d'archéologie, ouais. Une réussite majeure aussi. Une réussite majeure. Alors le sarcophage, en fait, pour toi, c'est pas un vrai sarcophage. C'est un faux. Très bien exécuté, très bien fait, mais c'est une reproduction d'un sarcophage égyptien. D'accord, ok. Très bien. Il n'y a rien dedans, du coup? Il a l'air d'être vide, effectivement. Il ne semble rien avoir dedans. Tu peux me faire, par contre, un petit jet de trouver objet caché. Une réussite ordinaire. Ouh, pile poil, d'ailleurs. Ça va tu pas durer. Hein. Prochain jet, c'est foutu. Hein. Faut pas que tu oublies de cocher aussi les compétences que tu réussis. Ouais, c'est bon, c'est fait. Alors, tu vois sur le sol une surface moins poussiéreuse. Plus sur le sol du sarcophage ou sur le sol autour du sarcophage, en fait. D'accord. Si, en fait, tout le sarcophage pouvait être bougé. Ah, d'accord. Comme si ça dissimulait peut-être une pièce secrète en dessous. Je vais essayer de le bouger, le sarcophage. Pour le coup, c'est une vraie reproduction de sarcophage. C'est lourd. Qui est extrêmement lourde. Ok. Est-ce qu'à l'intérieur... Ouais, non. Est-ce qu'il y a un faux fond à l'intérieur? Mais en fait, s'il y a moins de poussière autour. Je vais regarder dans la pièce, voir s'il n'y a pas un mécanisme, un levier, quelque chose. Eh bien, écoute, en attendant, moi, je vais voir avec... Lord Halifax, ce qu'il fait avec Gavigan, parce qu'à un moment, il va se douter que Charlie est parti depuis quelque temps maintenant aux toilettes. Oui, bon, peut-être que je dirais que Charlie est en train de visiter une autre partie. Alors attends, j'ai mis de l'eau chauffée, je coupe ça. Non, moi, globalement, je lui tiens la jambe. Je suis en mode, j'essaye de profiter de sa passion. Puis, après, pour le coup, je pense que Percival n'est pas très bon en égyptologie. Même s'il est bon en occultisme. Donc je vais plutôt faire une espèce de mash-up, tu vois, de mélange de vraie égyptologie et de trucs qui ressembleraient plus à des rituels et autres. Enfin, des rituels, des superstitions, des légendes. D'accord, tu vas essayer d'un peu dans l'idée, moi, ce que je vois, c'est que tu essayes un peu de le baratiner pour qu'il continue. Oui, pour qu'il papote. Moi, je vais juste lui, tu sais... Si, en plus, il a le plaisir de m'éduquer là-dessus, tu vois, comme je dis des bêtises... Voilà. Je vais te demander un petit jet de baratin, du coup. Alors, combien j'ai en baratin? Et là, je vais découvrir qu'en fait, j'ai pas du tout. Bon, j'ai 5%. Bon, je peux le psychologiser, quand même. Non, mais écoute, vas-y, écoute. Le psychologiser. La vache. Ah, ouais. C'est un échec. C'est con parce que tu vois, c'est sur l'autre. C'est C'est un échec. Donc, Gavilan, au bout d'un moment, se dit bah, écoutez, je pense qu'on va essayer de retrouver votre ami, parce que là, ça fait quelques temps qu'il est parti, et puis je pense qu'on a fait le tour des collections. Donc, donc si vous voulez bien me suivre. Oui, je n'ai pas de souci, je vous suis. Si, je lui dis. Qu'est-ce que je lui dis? J'embraye sur une, à un moment donné, tu vois, sur les meurtres égyptiens. Où je dis, oui, je suis sur cette histoire de meurtre rituel et tout. Est-ce que ça... Enfin, je sais pas, je... pourquoi... Enfin, je me dis, comme il tient une fondation liée à l'égyptologie, est-ce qu'il aurait une explication de pourquoi bah, on n'a pas... Bah, il dit, bah, écoutez, non, je ne sais pas pourquoi la plupart des victimes sont des Égyptiens. C'est peut-être quelqu'un qui est raciste ou qui en veut aux Égyptiens, qui fait ce genre de choses. Ouais, mais ça a l'air très ritualisé quand même, très... Quand même... Pendant ce temps-là, à l'extérieur, ouais. James, toi, tu es resté à l'extérieur, donc tu t'attendais sans doute à revoir Percival et Charlie revenir, je sais pas, tu t'attendais à ce qu'ils reviennent assez rapidement, peut-être. Oui. Et là, ça fait quand même une heure et demie qu'ils y sont. Que fais-tu? Donc, tu as attendu dehors, tu as vu effectivement le camion qui était chargé, qui est reparti, du coup. Oui. Avec, de toute façon, avec ces personnes qui étaient un peu... qui te semblaient un peu louches. Mm-hmm. Fais-tu quelque chose de particulier? Je vais faire le tour du... C'était derrière qu'il y avait le camion? Ouais. Bah, je vais faire le tour pour retourner derrière et voir si je ne peux pas rentrer par derrière ou voir des choses un peu étranges. Bah, derrière, il y a toujours cette espèce de chaîne avec, qui est verrouillée par deux gros... Enfin, de porte qui est verrouillée par deux grosses chaînes avec des cadenas. Ouais. Ou alors, peut-être as-tu attendu que le camion parte pour te glisser subrepticement avec un petit jet de discrétion? Ah, pourquoi pas? Attends, je vais vérifier mes statistiques. Non, j'ai pas fait de discrétion. est-ce que je peux crocheter des serrures, par contre? Peut-être. Hein. Je crois pas que t'aies cette compétence-là. Tu es quelqu'un de trop droit, trop respectueux de la loi. Ok, bah, je tente la discrétion. C'est parti. C'est raté, voilà. C'est un échec. Donc, alors que les personnes sont en train de fermer les grilles et te font signe de ne pas rester là et de t'éloigner le temps qu'ils ferment. Ah, pardon. Bah, je m'éloigne, du coup. Fais-tu autre chose? Souhaites-tu faire quelque chose? Bah non, j'attends, hein, tant qu'ils sont pas là. Ok, pas de soucis. Charlie, tu disais que tu cherchais... un dans levier la pièce, ou un bouton, quelque chose qui pourrait faire bouger le sarcophage? Fais-moi j'ai de chance. C'est un échec. Tu ne trouves pas grand-chose. D'accord, je regarde dans les... Pardon, je... Ouais, Percival, j'enchaîne. Ok. J'enchaîne avec Percival. Percival, donc toi, tu discutais avec, avec Gavigan et tu essayais de le retenir en lui parlant des meurtres rituels. Il n'a pas l'air de vouloir trop s'apesantir là-dessus. Enfin, il a gentiment dit que c'était sans doute un acte raciste. Et vous vous dirigez, donc vous redescendez vers le bureau de Gavigan. Fais-tu quelque chose d'autre ou pas? On redescend vers le bureau de Gavigan? Ouais, vous étiez en haut au niveau des collections. Je me casse la gueule dans l'escalier. Tu te casses la gueule dans l'escalier? Ouais, je me cogne une jambe contre une autre et je glisse et, pour faire signe. On arrive et il va bien prendre quelques minutes pour me... Genre tu fais ça dans le... Tu te dis, je joue la comédie, ou tu te dis, bah, je me casse réellement. Je me casse réellement la gueule. Okay. Et je ferai pas la comédie, tu vois, je ferai pas. Non, je vais réellement tomber. Okay. Ah ouais. Donc tu te jettes presque tout seul dans les escaliers. Ouais, mais tu vois, mi-chemin, je me fais un croquant jambe à moi-même. Et... Fais-moi un petit lance-moi un petit D3, s'il te plaît. Ouais. Si tu te dis, fais-moi un G pour te faire un croquant jambe, je ne réponds rien. Lance-moi un D3. C'est quoi slash moi, roll? Moi j'ai d'attaque au corps à corps. Ouais. Slash roll 1d3 ou slash roll d3? Slash roll 1d3. Alors, il n'y a pas de parenthèse peut-être? Non, il y a slash R 1d3. 3, bah, bien sûr. 3. Ouais. Donc ouais, tu tombes bien en fait. Tu te rends compte que tu te casses réellement la gueule et tu pensais pas te faire mal à ce point-là. Donc là, tu es tout contusionné, tu as le nez qui saigne, tu te demandes si tu n'as pas une dent qui a commencé à se déchausser parce qu'elle bouge un peu. Bref, en fait, tu t'es vraiment vautré comme une merde. Tu voulais juste faire une petite chute. Oui. En fait, tu as fait une vraie chute, bien comme il faut dans les escaliers. Tu t'es pris 3 points de dégâts. Eh bah, écoute, Alors, Mais pour le coup, effectivement, bah, du coup, tu cries, tu hurles, Gavigan s'arrête, crie des ordres auprès du secrétaire qui va prévenir quelqu'un pour essayer de te trouver un médecin ou une infirmière ou au moins des pansements, ce genre de choses. Donc, clairement, Charlie, tu l'entends. Ok. Pas de mystère, ouais, bon. tu entends qu'il y a quelque chose qui se passe dans le hall, dans le hall d'entrée. D'accord. Bon, je me doute que ça doit être un peu. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, s'il y a de l'agitation, c'est que c'est pas spécialement bon signe, surtout dans un établissement qui peut être assez sérieux comme ça. Donc, je vais sortir. Ok. Juste avant de sortir, j'essaie juste d'ouvrir une des caisses, voir si elles sont fermées ou voir s'il y a quelque chose dedans ou pas. Mais genre vraiment juste un coup d'œil. Je regarde juste. Non. Il y a pas de. Il y a pas grand chose dans les caisses en fait. De vieilles caisses. Okay. Bah, du coup, je vais sortir assez précipitamment, mais tout en faisant attention de voir personne. Pas de souci. De toute façon, tout le monde a l'air d'être attroupé au pied des escaliers. Et tu vois qu'il y a quelqu'un qui, effectivement, a une cheville tordue, du sang plein de visage. Donc, tu reconnais Percival et tu vois les autres. Tu vois Gavigan et le secrétaire qui sont en train de... Pas de tenter de l'aider à se relever, voilà, alors qu'il a l'air d'être quand même mal en point. D'accord, bah je vais à leur rencontre et je fais mine de terminer de me frotter les mains, parce que j'avais fini de me les essuyer. Ah, monsieur, vous avez encore oublié vos médicaments, c'est ça Nous avons dû les laisser dans la voiture. Merci, messieurs, je suis désolé que vous ayez dû assister à ça. Nous allons rentrer à présent. Je vais soutenir Percival et l'aider à sortir de là. Ok. Bah écoute, moi je me laisse porter parce qu'en plus je dois être à moitié. Bah là, t'es un peu sévère. <sonné, ouais. rire> Ouais, merde, attends, la prochaine fois, non, je trouve un truc plus intelligent. Là, tu te dis que t'as payé pour la cause, quoi. Ouais, tu vois, forcément, je m'attendais à faire un peu mal, mais pas à ce point-là, quoi. Mais oui. Excusez mon maître, il a tendance à faire un peu d'anémie et je suis là pour surveiller en général qu'il prenne bien ses médicaments, et chose qu'il n'a pas fait, comme je m'en doutais. Gavigan vous dit que revenez quand vous voulez, Sir Halifax, Lord Halifax, vous êtes le bienvenu, et puis nous reparlerons de cette expédition, il n'y a aucun problème. Okay. Et donc je vous remercie beaucoup. Puis, vous sortez et vous voyez l'inspecteur Barrington qui vous attend. Alors, il a l'air réglo, Gavigan. Alors, toi, tu vois arriver Percival avec la gueule cassée. Oula, tout va bien? Oui, ça va, j'ai chuté dans les escaliers. Ah. Vous êtes bien amoché quand même. Ouais. Ah, mais je suis tombé la bienvenue. Non, je me suis dit que j'allais peut-être tomber histoire de faire un peu de bruit, mais bon, j'ai raté mon coup. Enfin, je suis bien tombé, mais j'ai. Non, alors pour le coup, ça a été vraiment efficace. Quelque chose, Charlie. Oui, j'ai découvert une pièce secrète à côté du bureau de Gavigan. Ah. À l'intérieur, il y a un faux sarcophage. Et j'ai l'impression qu'il y a une pièce en dessous, quelque chose en dessous, puisque le sol a l'air moins poussiéreux, mais j'ai pas réussi à trouver le mécanisme qui permettait d'ouvrir. Ça vaut peut-être le coup de revenir un soir. Ouais, pourquoi garder un sarcophage dans un porte secrète derrière une un faux sarcophage. Un faux sarcophage, je veux bien le préciser. De très bonne qualité, mais il n'en reste pas moins, pas le copain. Intéressant. Ok. Ok. Bien. Voilà. Et donc, je suppose que vous vous rendez. À Scotland Yard, le temps de débriefer tous ensemble de ce qui s'est passé. Moi, je reviendrai pour Gavigan, pour lui parler des meurtres. Ok. Au vu de l'heure, est-ce qu'on arrête là? Comme vous voulez. Ouais. On arrête là, on fait un petit débrief. Allez, parfait. Je sens qu'il y en a qui ont gros sur la patate et qui veulent dire... s'il y a une explication. Il y a une explication. Je l'attends. C'est pour te laisser le temps de reroll. Non. Il y a une explication que du coup, par contre, je te la donnerai à la fin de la section de Londres, je pense. D'accord. En plus, oui, d'accord. Bon. Oui, il y a une explication. Oui. Parce que là, si. C'est-à-dire si que là, jusqu'au bout, Elsa, à Londres, c'est mort, quoi. Je l'ai plus, quoi. Non, on va voir si elle survit déjà. Ah ouais, non, mais attends. Okay. On va voir si elle survit, et puis ensuite elle va se remettre. Mais oui, ça dépend à quelle vitesse vous faites Londres. Effectivement, si vous me dites que vous restez 3 semaines à Londres, il y a une chance que tu récupères Elsa direct à Londres. Mm-hmm. Ok. Bon, sinon, ça allait à tout le monde? Oui, très bien. Ouais. Ouais, c'est bien d'avoir un nouveau perso. Mmh. Enfin, un nouveau. Ouais. Mine de rien, ça apporte un peu plus de dynamisme. Quand on sera la fine équipe, le club des 5 là au complet, enfin non, avec le chien, mais. Avec le chien. Club des 5 avec le chien. Ah, c'est ça le club des 5. Avec Dagobert. Dagobert. Ah, c'est vrai le, chien, est... le chien il compte pour 5. Je crois qu'ils étaient 5 plus le chien. Non, oh, j'ai tellement longtemps. Non, le chien il compte dans les 5 de mémoire. Okay. Les deux garçons, les deux filles, dont celle qui se fait appeler Claude et qui veut être un garçon, et son chien Dagobert. D'accord. De mémoire, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas lu le club des 5, je t'avoue. Ouais, j'avoue, pareil. Oh, j'aurais dû faire un jet de persuasion plutôt que baratin. Ah. Pourquoi ? Parce que j'ai 60 en persuasion. Mais... Ah bah oui. Non, je suis en train de redécouvrir un peu ma fiche en me disant, bah, je me dis quand même, on est très... Dans les trucs où t'es pas bon, t'es vraiment pas bon. Quoi. Ah bah après, ouais. Ça va, c'est pas trop dur de te remettre dedans, là, de raccrocher les wagons avec ce qui s'est passé et tout ça ? Oh non, non, ça, il n'y a pas de souci, l'histoire, je l'ai bien. Non, c'est le. C'est... En fait, c'est ce que tu peux faire sans te casser la gueule dans le système, tu vois, qui est plus dur. Tu es le jeu à Warhammer, toi. Tu devrais quand même savoir qu'il y a beaucoup de choses qui, avec un peu de chance, peuvent se réaliser sous 35%. Hein. Oui, oui, oui, oui, mais c'est vrai que là, tu as des orientations 10, pistées 10, pression. Ouais, tu dis, ah ouais, non, il y a quand même beaucoup de compétences, hein, pas grand chose. Ouais, c'est un peu le problème du système, j'avoue. C'est que t'as un score de tout bateau en compétences juste pour te dire, bah, dans le doute, essaye, quoi. Mais, bah, moi, c'était bien, sinon. Ouais, ça vous a plu, l'ambiance de Londres et tout ça, là, les... Bah ouais, on est en danger tout le temps, quand même. Mmh ouais, on est en danger tout le temps. Ouais. Bah oui, oui, bah, après ouais, bah, c'est sûr. C'est sûr que c'est un peu... Voilà, après, c'est un peu sportif. Et oui, juste la... se casser la gueule aux escaliers à l'appel de Cthulhu, il y avait une blague comme ça, une joke à l'ancienne, mais je crois que c'est en version 4 ou version 3 en fait. Il considérait que tu prenais un des 6 points de dégâts par volée de marche. Oh putain, ah ouais, non, en fait, une volée de marche c'était une dizaine de marches si tu veux. Ouais. Et les mecs avaient calculé que, d'après le nombre de points de vie de Cthulhu dans le bestiaire de l'appel de Cthulhu, il fallait en fait le faire tomber d'un nombre de marches égal au nombre de marches qu'il faut pour aller en haut de la tour Eiffel. Mmh. Ouais, bon après c'est compliqué quand même. John Wick a prouvé qu'on pouvait le faire sans prendre trop de dégâts. Il est peut-être tombé à la tour Eiffel, hein. Tu regarderas le dernier, mais il y a une scène sur les escaliers qui mène pas à la Tour Eiffel, mais à Montmartre. Ah oui. Donc ouais, juste la joke de se jeter dans les escaliers, ça peut être violent. Ah, je m'attendais à prendre des dégâts, parce que jusque-là, bon, c'est pas de bol au dé, tu vois. Ouais, bah, c'est le D3, quoi. Ouais. Et ça va, sinon, je vous ai pas demandé trop de jets qui vous paraissaient bizarres ou autre. Non, c'est pas mal, il y a eu la bonne dose. Après, il y avait, comme d'habitude, il y avait beaucoup de parlottes. Donc ça nécessite pas de faire des GD, mais du coup il y a eu ce qu'il fallait là dans la phase d'enquête dans la fondation, donc ça c'est cool. Ouais, j'ai bien aimé. Ok. Et du coup vous allez vous orienter pour les prochains ou pour la prochaine partie ? Revenir de nuit à la fondation, ça semble quand même le truc, tu vois. Ouais, je pense aussi effectivement. Ouais. Parce que sinon c'est ça ou attendre le comment ça s'appelle ? Le camion à la pyramide bleue ? Si jamais il vient. Si jamais il va, c'est vrai qu'on peut aller au doc aussi pour voir les caisses. Ouais, ce qu'il y avait dans les caisses. Et il y a toujours Toufik aussi. Et il y a toujours Toufik. Ouais. Et sous surveillance. Et toi, du coup, Riley, niveau du personnage, est-ce que tu souhaites garder Barrington pour la prochaine séance ou est-ce que tu souhaites un autre prétirer ou un autre personnage en backup, non. Ok. Non, je serais James. Bon, mais pardon, vas-y. Non, vas-y. Je demandais si du coup c'était un des prétirés du bouquin, l'inspecteur ou... Un PNJ du bouquin que vous rencontrez à Londres et qui potentiellement peut servir d'investigateur de secours. Dans les investigateurs de secours à Londres, bah, c'est ceux que j'ai un peu cités, hein. Il y a les chats, Mickey Mahoney et James Barrington, dans ceux que vous avez rencontrés en tout cas. Donc voilà, c'est des propositions qui existent dans la campagne pour justement, bah, en cas de, voilà, de blessure, de repos, de récupération, etc., bah, de pouvoir avoir un personnage sous la main pour pouvoir enchaîner. D'accord, ok. Et là, c'est vrai que ça se prêtait plutôt bien au truc dans le sens où vous étiez du coup déjà avec Barrington. Ouais, oui. Bah écoute, normalement, je te dis, bah, si on fait la même chose qu'à New York, tu le joues 3 scénarios et il meurt. Voilà. Eh ben, très bien. Très bien. Ouais, mais bon. Ah là là. C'est Cthulhu, c'est pas Cthulhu. Hein. Ouais, c'est pour préserver les personnages principaux, en fait. C'est en train de me caler tous mes PNJ, tu sais. C'est ça. Puis à chaque fois, c'est toujours les PNJ, tu sais, qui ont un minimum d'autorité, un minimum de force de police et qui pourraient très bien t'aboyer dans leur sens en disant si ils ont raison, laissez-les faire. À chaque fois, ils cadent. Bah oui, mais c'est ceux qui vont... Après, quand tu les joues, t'as tendance à être un peu plus en confiance, parce que tu te dis, ah bah ouais, mais il est vachement plus balèze que mon perso, parce qu'il a, des stats, tu vois, de tir, d'esquive, tout. Non, en fait, ça... C'est vrai. Sachant qu'en plus... Il meurt quand même. Varinton, il a quand même des compétences particulières assez marrantes. Mm. Je sais pas si tu les as vues, Riley, du coup. Mais... Si, servir la couronne et tout. Je sais pas à quoi ça va me servir. Bah, la couronne. Ouais, bah, quand il faudra... Ouais. Voilà. Donc il y a ça. Sinon, bah, si vous avez des choses à changer, à améliorer, à modifier, des choses que vous avez bien aimé à garder et tout ça. Écoute, pour moi c'est encore un peu nouveau, c'est que la troisième session, donc je me fais encore au rythme. J'essaie surtout de me faire déjà au personnage, essayer de lui trouver une utilité. Donc là ça tombait bien, faire des tests d'archéologie. Ah ouais, du coup. Il m'a plus grosse stat. Mais non, ça se passe bien comme ça. Et contrôle Riley, du coup, d'autres des points, non ? Non, mais c'est bon, bah, y a pas autre chose. Là, c'est peut-être un peu chaud pour un retour sur qu'est-ce qu'il y a gardé. Bon, non, ça me plaît, enfin, moi, je continue comme ça me va bien. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis heureusement que j'ai une explication en béton sur le truc pour Elsa, parce que sinon, je sens que je vais me faire casser les genoux. Je sais pas, ça sortait de nulle part, quoi. Bon. Ah, hein, on verra à la fin du chapitre sur Londres. Mais il y a une explication là. C'est T'as encore touché un truc où il fallait pas quoi. Mais j'ai mis mes doigts nulle part. Attendez. Mais c'est ça d'arriver de parler aux gens. Tu vois, oui bonjour. Tu sais j'ai l'impression que c'est en fait tu lances des séries de mots clés pour appâter les gens. Tu devrais même plus faire des phrases. Tu devrais dire. Jackson Elias, Kenya, langue sanglante, Pharaon. Non mais je vais jouer le chien la prochaine fois. Pas de soucis. Hein. Non, tu risquerais de te faire bourrir le chien, on touche pas au chien. Le chien, il va apprendre à parler. Oui. Tu vas transformer Ralph en John Wick derrière, du coup. Si Ralph y revient pas, attends, il va devenir John Wick. Merci en tout cas. Merci à vous. Et bonne nuit à tout le monde. Ouais. On rejoue quand du coup dans 15 ouais. jours Si vous êtes dispo, ouais, on peut regarder vite une petite date. Après, hein. Voilà, c'est la semaine du 29 au 5 où je ne suis pas là en vacances. Mais après, autour du 6 juin, un truc dans le genre. Ouais. Ouais, moi, non, autour du 6 juin, ça peut le faire. Genre le jeudi. Le jeudi, ouais, ce serait nickel. Le 8, ouais. Ça serait nickel. Écoute, je le mets là. Sur les mêmes horaires, 21h, minuit à peu près. Normalement, c'est plutôt 21h-23h, mais là, c'est vendredi soir, donc du coup, je me suis permis d'aller un petit peu plus loin. Ouais, bon, après, il y a pas de souci, on pourrait continuer, mais après, bon, tu vois, c'est... Ouais. Bon, là, je pense que... Ouais, après, si on continue, ça va enchaîner beaucoup de choses, donc je pense que... Oui. Ok, et toi aussi, Riley, ça te va le jeudi 8 Ouais. Death in Space, je sais pas si je m'y mets. C'est quoi ça? C'est Neural Noise. Ah oui, je sais pas du Death tout. Je crois que j'avais dit que je faisais. Bon, au pire, je ferais masque. Ok. Ça me fait penser, là, le mec de. Le précédent qui est grand gagnant du concours Mastodon de Space Horror Story s'est désisté. Il pensait que c'était un exemplaire gratuit à gagner et non une réduction accompagnée d'une dédicace. Après, nouveau tirage, c'est toi qui as gagné. Je t'envoie le code du pass VIP dès que tu me confirmes que tu vas bien souscrire à l'énucléation. Toi, t'es obligé de t'énucléer pour un. Attends, je regarde Game on Tabletop. Mais je crois qu'il est, pas fini le Space Horror Story. Oh, non, il est là. Énucléation. Lacération et nucléation pour 39€. C'est bien. Ah ouais, bah ouais, écoute, je vais faire ça. Bah écoute, nickel. Parfait, bon, bah, je vais faire ça. Bon, bah moi j'y vais. Mais bisous à tous. Bisous. Ouais, je déco aussi. Merci pour la partie encore. Merci. Merci à vous. Salut. Bisous. Salut.